nourrir que ça, toi. Comédia. Comédia. Tu diras bien un petit bonjour, Serafino. Bonjour, Serafino. Comédia. Bon, d'accord, laisse tomber. Hein. Comme ça, enfin. Oh. Tu m'as planté une de ces trouilles. T'aurais pu répondre. Tu m'avais dit de laisser la clé sur la porte pour ne pas te déranger, puisqu'il paraît que tu es malade. Je me demande bien pourquoi tu inventes encore cette maladie. À quoi ça te sert d'être malade? Ça me donne une excuse pour ne pas voir qui tu sais. Puis ça me permet de faire mes courses. Pour ce qui se prépare et que tu sais aussi. Eh ben, j'en sais des choses. Ouais, mais tu as beau les savoir, faut que j'en passe par où tu veux, hein. Faut que je me marie. Et que j'épouse Alvino, alors que tu sais parfaitement que je ne l'aime pas. Et que j'aime Adriano. Voilà pourquoi je suis malade. Parce que j'ai une mère comme toi, toujours en train de pleurnicher, puis qui finalement n'en fait qu'à sa tête. Hein. Il m'oblige à me marier. À toi de ta mère, va. Un jour, tu lui baiseras les mains de reconnaissance. Oh, parce que j'aurais épousé Alvino. Parce que t'aurais épousé un homme, au lieu de perdre ton temps avec un rêve. Oh, Adriano n'est pas un homme. Non, c'est un comte. Et un comte camérier du pape, encore. Et pour une fille comme toi, un comte, c'est pas un homme. En tout cas, pas un mari, puisqu'il est déjà marié. Mais justement, il peut très bien se rendre libre un jour. Un jour, oui. Ils disent toujours ça une fois, les hommes mariés. Ils n'en parlent plus après. Et puis ici, nous ne sommes pas en France. Chez nous, le mariage, c'est du solide. Solide. Et c'est pour ça que j'épouse Albino. Pour du solide. Un instituteur, oui, c'est du solide. Je te fais pas épouser n'importe qui. Et puis avec lui, je sais que nous aurons toujours de quoi vivre. Un traitement fixe et une retraite. Dis-moi. Tu l'as pas vu dans la rue, par hasard? Albino! Mais non, Adriano! Il n'était pas dans une porte cochère, en train de regarder mes fenêtres. Quoi veux-tu? Mais parce qu'hier, il est resté là plus d'une heure. C'est lui qui me l'a dit au téléphone. On dit heureusement que je n'étais pas sortie à ce moment-là. En tout cas, si tu l'aimais autant que tu crois, celui-là, il te ferait des cadeaux, d'abord. Il t'en a jamais fait un. C'est un radin, ton con. Oh, toi, tu penses jamais qu'à l'argent et aux cadeaux. Parce que c'est ça, l'amour! Il m'envoie des fleurs! Celle de ce matin était superbe. Oh, les fleurs, ça ne dure pas. Et puis les siennes, à cause d'Albino, je dois les revendre aux fleuristes du coin dès qu'elles arrivent. C'est toujours ça de gagner, remarque. Oh, tu penses. 3 jours sans boire, il n'en peut plus. Il est resté plus d'une heure à regarder mes fenêtres. Mais c'est les collégiens qui font ça. Mais justement, il m'aime comme un collégien. Mmh. C'est peut-être pour ça que je l'aime, d'ailleurs. Improbable. Sinon, je ne vois vraiment pas ce qu'il pourrait t'emballer. Il est blond. Oui. Oui, le blond, oui, mais il a quelque chose d'indéfinissable, qui vient de l'éducation, je crois que c'est beau, l'éducation, ça me plaît. Ben, ça te va bien de dire ça. Au fond, tu l'aimes parce qu'il est con, autrement, tu l'aurais jamais regardé. Ben, mais c'est un ensemble qu'on aime chez quelqu'un, s'il n'était pas con, il serait différent, il serait... Tiens, il n'aurait pas les mêmes mains, par exemple. Ouais, et tu verrais alors qu'il est blond. Oh, je verrai ce que je verrai, hein. Pour l'instant, je vois qu'une chose, je l'aime et il m'aime. Ah. Et si tu continues à m'embêter, j'envoie tout par-dessus bord. Toi, Albino et mon mariage. Non mais j'en ai assez à la fin, non seulement tu me mets dans une situation impossible, tu brises ma vie au départ. Oh, du coup, tu brises ma vie au départ, et en plus, tu fais exprès de me casser les pieds. Comédia! Alors toi, tais-toi, je te vole dans les plumes. Hein. Compris? Toujours en train de râler, c'est bien. Bon, eh bien, parlons d'Albino, ce qu'il le faut. Tu as des tuyaux? Quel tuyau? Des renseignements sur sa fortune. Eh, pas encore tout à fait. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça fait plus d'un mois que ça dure, cette histoire. Jamais moyen de savoir au juste ce qu'il a. Moi, je te préviens, ma robe de mariée est commandée. Mais si je ne sais pas ce qu'il possède, ton Albino, je l'envoie à la poubelle, ma robe de mariée. Mais tu vois, ça me ferait de la peine. Oh, parce que c'est encore la seule chose qui me plaise dans mon mariage. Mais... Oh, pensez que je vais sortir de l'église avec ma robe blanche, voilà. Et ma couronne d'oranger. Oh, Maria. Oh, t'as mes minutes, hein. N'oublions pas que sortie de l'église à part, c'est pour toi que je me marie, pas pour moi. Pour ne plus t'entendre gémir. Oui, oui. Et ressasser qu'on finira à l'asile. Et dans tes vieux jours, tu mourras de faim. Alors, affaire. Je mets du beurre dans les épinards, d'accord. Mais je veux savoir s'il y a du beurre. Ne serait-ce que par amour propre, d'ailleurs. Non, mais écoute, prends un peu la peine de regarder ta fille. Il peut mettre ça aussi sur sa note, Albino. C'est encore lui qui va faire la belle affaire. Va une fille rouler comme moi dans un lit, ça vaut plus cher que de savoir l'orthographe. Enfin, au fond, le plus simple, c'est que tu lui demandes toi-même quand il va venir. Que je lui demande quoi? À qui? À Albino, ce que représente sa fortune. Tu veux aussi que je discute le contrat? Tu oublies le rôle que tu me fais jouer. Je joue un rôle, moi. Je Je suis une jeune fille amoureuse, ingénue, j'épouse enfin le professeur de mes rêves, que je rencontrais tous les jours dans l'escalier depuis 6 mois. Non, mais tu me vois dans... Non, tu me vois dans ce... Allez lui dire de but en blanc. Dites donc, Albino, c'est pas tout ça, mais ce mariage, ça va nous rapporter combien à ma mère et à moi? Non, surtout avec lui, toi, tu sais pas le genre de caractère qu'il a, hein. Toi, tu vois ça d'en haut, hein. Dis donc, mais moi, je sais le mari que je vais avoir. Oui. Otello. L'Otello de l'enseignement. Qui c'est ça, l'Otello? Un chanteur nègre, jaloux, je l'ai vu à l'opéra. Ah, et enfin, le principal, c'est que tu te maries. Voilà ce que je veux. Tout le reste n'a pas l'importance. Je sais. J'ai pas de famille, moi. Ni frère, ni beau-frère, personne. Et nous sommes seuls au monde, toi et moi. Alors, c'est pas ton camérier du pape, ni le Vatican, qui nous feront vivre. Hein. C'est ton mari. Quand tu seras pas avec une fille, tu verras si tu penseras autrement. Mais j'en suis pas encore là. Hein. On y est plus vite qu'on ne croit. Merci du programme. Ah, bon, ça c'est Albino. Attends, fais-le poireauter parce que j'ai fumé, il faut que j'aille me laver les dents. Si j'en ai ça, c'est tout à tire. Attends. Voilà. Oh, après tout, qu'on en finisse. Marions-nous, on verra bien après. Comédia. Ta gueule, toi. Isabella, avanti, c'est pas lui. C'est qui? Quelqu'un qui se trompait d'étage. Dis donc ton compte, là. Tu es sûr qu'il se doute de rien? De rien du tout! Mais il est un peu idiot alors! Mais non, il n'est pas idiot! C'est moi qui suis futé! Et quand vas-tu lui dire la vérité? Quoi? Tu me maries? Bah oui, il faudra bien que tu lui dises tout de même! Pas question de lui dire ça! Quoi? Pas question de lui dire ça! Enfin, tu vas le laisser continuer à croire? Écoute, c'est pas parce que je me marie pour te faire plaisir que je vais renoncer à lui, non mais tu n'y penses pas! Et tu vas continuer à le voir? Oui! Eh ben, ce sera commode. C'est moi que ça regarde. Mais Albino, jaloux comme il est. Albino, mais j'en ferai ce que je voudrais, Albino. Mais je veux garder Adriano dans ma vie. Et je le garderai. Et puisque mon mariage est une comédie, autant vaut la jouer sur tous les tableaux, hein. Au moins, je m'amuserai. Il me faut bien une petite compensation, tout de même. Laisse. T'es malade. Je suis malade, mais je suis pas muette. Allô. Oh, c'est toi, mon chéri, je le sentais. Mais pourquoi tu n'as pas appelé plus tôt? Je ne te dis pas comment j'étais. La fièvre, oui. Mais pour toi, je me serais levée, même avec la fièvre. Comme je viens de le faire maintenant, tu sais, on n'en meurt pas tout de même. Je disais coussi, coussa. Ah non, mais il ne faut pas te frapper, tu sais. Ben, elle monte, elle descend. Le soir, naturellement, elle remonte. De l'aspirine, pour le moment. Que je t'appelle moi? Oh, ben ça, j'ai essayé. Tu sais, j'ai essayé deux fois. Au moins deux fois. Personne ne répondait. Personne. Pour le moment. Eh bien, je suis debout pour encore une heure et puis je m'y recolle. Ben, au lit, parbleu, je me recolle. Mais oui, toujours. Mais à qui veux-tu que je pense? Mais oui, bien sûr. Mais... Oh, tu sais, des fois, il me prend une rage de devoir rester ainsi enfermée. Quoi? Oh, mais non, mon chéri, c'est pas possible. Mais tu penses comme je serais contente, heureuse. Mais Adriano, ne dis pas de bêtises. Il veut venir ici, il veut venir tout de suite. Ah non, ça, c'est pas possible. Allô, comment? Non, écoute, chérie, on dit demain. Hein, demain, peut-être. Il veut absolument venir maintenant. Ah non, non. Non, écoute, Adriano, sois gentil de réfléchir. Hein. Comment pourrais-tu venir maintenant? Mais c'est pas pour moi, tu penses. Mais tu dois tenir compte aussi de ma famille. Mais tu sais bien que je suis comme prisonnière, chérie, si tu le sais. Alors, je t'en prie, Adriano, je t'en prie, n'ajoute pas à ma fatigue et à ma tristesse. Tu sais que pour te voir, je ferai n'importe quoi. Hein, écoute, si tu insistes, tu sais ce que je fais. Je sors et c'est moi qui viens. Eh ben voilà, non, on fait ça, il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Une bouffée d'air, ça va me faire du bien. En tout cas, je te rassurerai, hein. Oh, tu vois comme tu es. Bon, oh, alors on dit dans 5 minutes, 10, disons un quart d'heure. Bon, alors tu me dis où? Ah non, tu me dis toi. Au Vieil Empire, d'accord. Bon, mon chéri, tu m'attends. Là, j'arrive tout de suite. À tout de suite, mon chéri. Tu as compris? Mais tout de suite. Mais je fais mon essayage et hop. Quelle heure est-il? Il est presque 7 heures. Mais comment se fait-il qu'Albino ne soit pas encore là? Ouais. Oh là là, s'il pouvait tarder encore un peu, je pourrais aller et venir sans avoir d'explication à donner. Grouille, on oublie. Merci, monsieur. Ah. Excusez-moi de vous avoir dérangé jusqu'ici, mais aujourd'hui, je ne pouvais absolument pas sortir. Ah. Comment va-t-elle, cette robe? Scusa, j'admirais. Ah oui, oh, ça vous plaît, ça? Oh, Oh, les maîtres de la fresque, mort. Quelle colorie, hein. Quelle composition. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. Ah, je crois qu'elle ira à merveille maintenant. Où essayons-nous? Ici, ça ira très bien. Oh, pour moi, belle et belle, et si, si. Figurez-vous que tous ces murs-là ont été classés monuments historiques. Ah. C'est ici par les gens du Vatican. Ah, voilà. Oui. Voilà, voilà, je suis prête. Parce que cette maison dépend du Vatican. Ah, oui, oui, oui, propriété exclusive, monument historique. Si, si, nous sommes classés. Ah, vous êtes classés. Ah, oui. Ma, vous payez votre loyer au pape, en somme. Ah. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le Vatican a acheté tout l'îlot. Oui, attends, doucement. Ces messieurs sont venus, ont regardé, examiné les murs, les peintures, et schlaf, payé comptant. Quel seigneur, hein? Ma, c'est ce qu'on dit toujours, même à l'étranger. Ah. Parce que, io, j'ai fait l'école de haute couture à Paris. Oh, bravo! Si, sono bravo! Eh bien, à Paris aussi, on le dit. On dit que le Vatican est immensément riche. Ah, mais il faut dire que nous avons eu la chance d'avoir dans nos relations, oui, en somme, un ami de ma fille. Ah, un de ces grands aristocrates, vous savez, qui sont de toutes les cérémonies importantes, là. Ceux qui portent ces beaux costumes, avec la fraise et l'épée. Ma, je vois, je vois. Très bien. Oui. La vérité, vous savez, la vérité, c'est que sans la différence de classe, cette petite-là, vous savez, elle aurait fait son chemin, Dieu sait jusqu'où. Maman! Ah, pourtant, on m'a dit que le pape avait un esprit très, très, très démocratique. Ah, le pape, oui, bien sûr. Mais ma fille n'irait jamais ennuyer le pape pour une affaire personnelle. Non, je la connais, ça. Bon, bon, si. Bon, ben alors, c'est bientôt terminé. Voilà, voilà. Allora, la taille est à sa place. L'ourlet va bene, bene, bene. Alors, en définitive, nous adoptons la robe longue. Ah, j'en fais beaucoup en ce moment. La ligne cardinale, c'est exactement ça. La ligne cardinale? Si, si, si, oui, ou à peu de choses près. Alors, descendez. Oui, attention, attention. Voilà, marchez. Ah! Piano, piano, piano. Voilà, bien. Bella, voilà. Doucement, tournez-vous. Non, pas vous. Voilà. Et vous avancez, voilà, una meraviglia, bella, voilà, venez vers moi encore, voilà, très belle, oh, alors ça c'est Albino, va ouvrir, mais je fais entrer, oui, oui, tu le fais entrer, ne parle pas trop, oui. Et vous, cachez-vous là, ah, si, tu vois, je suis belle, hein? Elle te plaît? Bella, bella. Ah, bellissime. Je vous salue, monsieur. D'où il sort, celui-là? Comment, mais c'est le couturier. Vous m'aviez toujours parlé d'une couturière. Mais non, voyons, il a toujours été question d'un couturier. Non, non, non, non, d'une couturière. Ah, il y a quelque chose qui ne te plaît pas, Albino? Si tu vois un défaut, dis-le, mon chéri, dis-le, il est toujours à temps de rectifier, n'est-ce pas, monsieur? Ma, certainement, dites toujours, sans vous gêner, l'œil neuf, parfois. Mais reste dans le coup. Non, non, je crois que ça va très bien, d'ailleurs, j'y connais rien, tu le sais. Oui, je comprends, monsieur a d'autres idées en tête. Voilà, justement, d'autres idées en tête. Je vous libère, mademoiselle, vous pouvez vous déshabiller. Ah, merci, monsieur. Tu viens, maman? Où ça? M'enlever ma robe. Ma, je peux le faire ici aussi, il y en a pour une minute. Hey, monsieur peut assister au déshabillage. C'est le fiancé, alors. Oh non, vous n'y pensez pas. Oh non, je vais un moment parler avec maman. Tu viens, maman. Oui, ma chérie. Hey, comme vous voudrez. Alors, vous avez vu que, en définitive, j'avais fait la ligne cardinale. Mais c'était pas facile. Cardinal, quel cardinal? Ah, cardinal, cardinal. Ma, Claudia, cardinal. Oh, c'est le dernier modèle de l'élégance et de la distinction. Vous devez être heureux, vous aussi. Moi? Oui, vous devez être heureux de ce qui se prépare. Ah oui, oui, oui, en effet, je me souhaite d'être heureux. On ne sait jamais, mais je me le souhaite, oui. Ah, oui, oui, on ne sait jamais, oui. Vous avez un caractère prudent, à ce que je vois. Ça vaut mieux. Vous aurez moins de désillusions. C'est quand exactement? Ces jours-ci, dès le début des vacances. Des vacances? J'enseigne. Vacances scolaires. Ah, professeur. Maître. Oh, maestro! Pom, pom, pom, pom. Non, je suis instituteur, pas pom, pom, pom, pom. Ah, oui. Oui, les vacances de Pâques, alors. Voilà. Oh, Oh, l'enseignement, ça va qu'on forme de jeunes esprits qui, plus tard, seront des soutiens de la civilisation. Oh. Ah, alors madame a dit que toutes ces fresques avaient été achetées par le Vatican. Quoi? Ah oui, le Vatican, oui. Oui, oui, et qu'ils avaient payé comptant. Ma, de grands seigneurs, les seuls vrais seigneurs qui nous restent dans cette époque de décadence générale. Ma, en France aussi, d'ailleurs. Oh, je parle de la France parce que moi, j'ai fait l'école de haute couture à Paris. Eh bien, à Paris, c'est le règne du faux-semblant aujourd'hui. Ma, la noblesse est là, qui sauve la civilisation. Voilà, Albino! Maintenant, je dois sortir un petit moment avec monsieur. Oui, excuse-moi, mon trésor, je dois choisir mon voile. Ça ne peut plus attendre. Non, non, non, tu n'as pas le droit de venir. Mais pourquoi je t'accompagne? Ah, non, non, non, non, je te l'ai dit, tu ne peux pas. Je ne comprends pas, là. Chut, défendu. Et par qui? N'est-ce pas maman que c'est défendu? Bien sûr, hein. Et peut-on savoir si le marié choisit le voile? Adieu l'amour. Passez 8 jours. La mariée court. Qu'est-ce que c'est que ces bobards? Écoute-le, ces bobards. Ça ne doit pas se faire, voilà. C'est ce que je dis, bobards, superstition. Ça porte malheur et moi je tiens au bonheur, d'Isabella. Ce sont peut-être des superstitions, mais ça ne coûte rien de les respecter. On ne sait jamais. Ah, alors si ça ne coûte rien. Bon, alors maintenant, monsieur, ne faisons pas attendre monsieur. Oui. Je pars avec lui. Oui. Mais toi, maman, tu viens me prendre après. Bien sûr, présent, bien sûr. Non, non, non, non, tu n'insistes pas, toi, tu n'insistes pas, sois raisonnable. Hein. Voilà, tu vois comme elle est, ma fille. Elle ne veut plus faire un pas seul dans les rues. Je comprends la pudeur, mais à ce point-là, ça devient exagéré, quand même. Et tout ça par amour pour celui-là. Ah, vous pouvez dire que vous êtes gâtée, hein. Bon, alors allons-y. Mais toi, tu restes là, tu attends, tu travailles. Oui, oui, je verrai, j'attends, je travaille. Bravo, bravo. Dis-moi... Non, mais tu étais en retard ce soir, tu nous as inquiétés, hein? Est-ce que tu commencerais à faire l'indépendant? Oh. On en reparlera. Ciao! Ciao! Ciao! Sers-tu maintenant, Isidoro? Encore? Oui. Puis vous vous en allez. Ah non, j'attends. Alors, rien. Mais qu'est-ce que ça signifie? Apporte-moi un autre whisky. Ce n'est pas la peine que vous me demandiez des conseils, monsieur le comte, si ensuite vous voulez en faire à votre tête. Écoute, Isidoro, faisons ceci. Quand elle arrivera, tu emporteras 2. 2 whisky? Oui. Mais la demoiselle n'a jamais bu de whisky. Pourquoi voudriez-vous lui faire prendre cette habitude? Non, ce soir, elle doit en boire un whisky. Ça lui fera du bien. Elle est souffrante. Un petit peu de grippe. Alors mieux, un grog avec quelques gouttes. Des gouttes de quoi, de quoi, de quoi? Laissez-moi faire, monsieur le comte, laissez-moi faire. Mon Isabelle! Oh, mon amour! Oh, tu es tout essoufflé et en moiteur. Tu as de la fièvre. Et moi, affreuse égoïste, je t'ai obligé à sortir. Oh, mais non, Adriano, c'est moi qui ai voulu venir. Parce que tu as compris qu'après ces 3 jours sans te voir, je n'en pouvais plus. Oh, moi non plus! Je n'en pouvais plus, Adriano, tu ne peux pas savoir. Hein? Oh, en tout cas, merci. Merci pour tes merveilleuses fleurs qui m'ont fait tellement de plaisir. J'espère qu'elles ne te donneront pas la migraine. Non, pas de danger. Je voulais seulement que tu penses un peu à moi de temps en temps, en les regardant. Oh, tu vois, il y en a une qui ne me quitte pas. Les autres embaument l'appartement. Mais je t'en supplie, ne m'en envoie plus. Pourquoi? À cause de ma mère. Et de mon oncle aussi, ils ne savent pas qui me les envoie, alors ils me font une vie impossible en me posant des questions du matin au soir. Parce que tu as aussi un oncle qui habite chez toi. En ce moment, oui. Mais je t'en avais parlé de mon oncle. Ah, je ne m'en rappelle pas. Oh, tu m'écoutes mal, tu vois. Oh, et elle et lui, tu comprends, sont d'une autre génération que toi, d'un autre milieu que le tien. Alors, ces fleurs qui arrivent comme ça si souvent, ils ne comprennent pas, ils comprennent mal. Ils pensent que j'ai une vie cachée et malhonnête. Oh, malhonnête, toi! Ah, ce sont ces contrariétés avec ton oncle qui t'ont donné cette fièvre. Je comprends tout maintenant. Oh, je suis tout en nerfs, tu sais. Oh, le cœur, le foie, l'estomac. Oh, à la moindre chose, mes nerfs se croisent. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai de la fièvre. Mais ça ne va plus du tout pour la pauvre petite Isabelle. Non, non, ma petite fille chérie, hein, tout ce que tu me dis me renforce dans le projet que j'ai formé et dont je voulais absolument te parler. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle a pu sortir aujourd'hui? Mademoiselle va mieux? Oui, merci, Isodore. J'ai apporté deux fils et un grog pour mademoiselle. Ça lui fera sûrement du bien. Et le whisky de monsieur le comte. Merci, Isidore, merci. Tu lui avais dit que j'avais la grippe? Ah ben, en tout cas, c'est ce qu'il avait compris. Ta fièvre ne remonte pas. Non, ça va, ça va. Ça va. Dis-moi, tu m'avais parlé d'un projet? Oui. Quel projet? Celui pour lequel je voulais tant te voir aujourd'hui. Ces trois jours sans te rencontrer m'ont été trop pénibles. J'avais compris qu'il me fallait prendre une décision. Eh bien, je l'ai prise. Et ce que tu viens de me dire me prouve à quel point j'avais vu juste. Quelle décision? Tu sais que j'ai des principes sur lesquels je ne transige pas, Isabella. Je sais, Adriano, je sais. Je ne supporte pas le mensonge, notamment la duplicité. Je veux vivre au grand jour. Depuis que nous le connaissons, je n'ai pas voulu que tu deviennes ma maîtresse. Je sais. Adriano, je sais. Oui, je ne voulais pas qu'il puisse être dit que j'avais usé de mon nom, de mon prestige, de ma position pour séduire et détourner une jeune fille comme toi. Mais puisque je t'aime, Adriano, tu ne détournais personne. Ah, peut-être. Mais si je vis séparé de ma femme depuis les premiers temps de notre mariage, je n'en suis pas moins toujours marié. Eh ! Alors si tu étais ma maîtresse, et si un jour tu attendais un enfant, enfin voilà, dans quelle situation nous nous serions mis tous les deux ? Ah non, crois-moi, Isabelle. Mon amour pour toi est trop grand pour laisser la porte ouverte à quoi que ce soit qui puisse le ternir, l'assombrir ou le gâter. D'autre part, je viens de le constater, il m'est insupportable de ne pas te voir tous les jours. Et de ne pas te voir du tout si tu es obligé de garder la chambre. De rester comme l'autre matin en faction devant ta fenêtre, sans avoir le droit de monter chez toi. Ah non, non, ah ça c'est plus possible. Bon, mais alors qu'est-ce que tu veux? Voir ta mère, lui dire la vérité. Quelle vérité? Que nous nous aimons. Que j'ai décidé de faire annuler mon mariage et qu'elle veuille bien me considérer désormais comme ton fiancé puisque je t'épouserai le jour où je serai libre. Voilà. Tu as décidé de faire annuler ton mariage? Oui. Quand? Ben hier. Et tu ne pouvais pas le décider plus tôt? Depuis un an que nous nous connaissons. J'ai compris hier que c'était indispensable. Tu dis que tu m'aimes. Je te le prouve. Il l'a décidé hier. De quoi? Il a fallu un an pour que tu saches que tu m'aimes. Voilà ce que je retiens. Mais moi, j'étais à toi tout de suite, Adriano. J'étais prête à tout. À te suivre, à me donner. Aller avec toi où tu voudrais, marier ou pas, je m'en fichais. Toi, il t'a fallu un an pour vouloir être mon fiancé. Tu arrives trop tard. Et pourquoi trop tard? Un peu tard, si tu préfères. Et pourquoi? Enfin, tu viens de me dire que tu m'aimais. Il n'est jamais trop tard pour décider d'être heureuse. Tu es sûre de l'obtenir, cette annulation? Sûre! Évidemment, toi, tu es de la maison. Quelle maison? Bah, du Vatican. Tu es bien placé, quoi. Non, non. Donc, je veux dire que mon cas fait partie de ceux prévus pour l'annulation. Si je n'en étais pas sûre, je ne serais pas là. Et où serais-tu? Quoi? Bah, tu dis je ne serais pas là. Où serais-tu? Mais non, moi, je voulais dire... Sans être sûre de cette annulation, tu ne me verrais plus. Mais non! Mais si! Adriano, si, tu m'aimes. Mais sans la perspective de cette annulation, tu préférerais ne plus me voir. Voilà l'amour tel que tu le comprends, avec tout ce qui te colle à la peau et dont tu ne peux pas te défaire. Le qu'en dira-t-on, la société, là, l'église, le pape, le miracle, vois-tu, Adriano? Le miracle, c'est que malgré tout ça, contre moi, contre nous, je sois quand même assise là, à tes côtés, dans ce café. Oh, mais je ne te comprends pas, mon amour chéri. Pourquoi t'énerves-tu ainsi? Quelle mauvaise raison cherches-tu? Quelle querelle? Je m'énerve parce que tu m'annonces comme ça, brutalement, que tu vas faire de moi ta femme. Et une comtesse. C'est pas une raison pour être triste, il me mais semble. Mais si, justement. Tu ne peux pas comprendre. Oh, mais non, alors je comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ce que ça représente pour moi. C'est un rêve auquel je n'aurais jamais cru. Ben alors, tu dois être heureuse. Et je le suis. Ah bon? Eh ben dis-moi ça. Mais ne pleure pas, mon amour chéri, tu es heureuse. Ne pleure pas. Oui, je suis heureuse, mais je n'y crois pas. À quoi, notre bonheur? Cette annulation, ce mariage. Ta femme est d'accord, elle? Et pourquoi? Pour demander l'annulation? Oui. Non, mais elle le sera. Nous en avons déjà parlé. Et tu lui as dit que tu souhaitais cette annulation pour pouvoir m'épouser? Pas encore. Ah! Quoi? Alors, ce n'est pas fait. Et pourquoi ma femme n'est pas un monstre? Elle est ta femme. Et si peu qu'elle l'ait été, fais-lui confiance. Te perdre, d'accord. Mais te perdre pour que tu sois heureux avec une autre, tu verras. Non, Paola est incapable d'une bassesse semblable. Elle est trop bien née. Tu connais mal les femmes, plus nous sommes nées, plus nous sommes vaches. Oh. je te choque. Bon, je crois que tu ne vois pas ma femme comme elle est, Isabelle. Bon. Admettons qu'elle accepte. Dans combien de temps l'auras-tu? De quoi, l'annulation? Oui, 15 jours, un mois. Oh non, petit nom, c'est plus long, hélas, il y a toute une procédure, ça peut durer, je ne sais pas, moi, un an. Peut-être moins, remarque. Mais tu veux que nous restions pendant un an fiancés? Mais nous nous verrons au grand jour, nous ne serons plus obligés de nous cacher comme nous le faisons. C'est impossible. Et pourquoi? Ma mère et mon oncle ne marcheront pas. Ton oncle? Eh bien, j'irai le trouver aussi, ton oncle. Non, non, surtout pas. Pourquoi? Parce que... D'abord, il ne sera plus là. Il n'était venu qu'en passant. Et puis... Oh, tu ne le connais pas. Oh là là, c'est un homme de... Oh là, presque d'un autre monde. Ouais. Il est sicilien. Oh, il suffirait qu'il te voie, il comprendrait tout de suite. Là, les fleurs, les absences, il te flanquerait à la porte. Non, enfin, tout de même. Non, je veux dire que... Il penserait que cette annulation est une excuse, qu'elle n'est pas sûre. Et qu'au fond... Tu viendrais lui demander de couvrir des relations qu'il croirait coupables. Ma mère, telle que je la connais, n'imaginerait pas autre chose. Pense déjà au chagrin qu'elle aurait de savoir que depuis un an, nous nous voyons en secret. Elle ne sait même pas que tu existes pour moi. Et comment? Je croyais que tu lui parlais de moi quelquefois. Moi? Oui. Moi? Oui. Oh, mais ça, tu l'as rêvé. Jamais je t'ai dit ça. Oh, il me semble que si. Oh, réfléchis, tu dois confondre. Mais avec qui? Mais je ne sais pas, moi, mais jamais j'ai pu te dire une chose pareille. Bon, enfin, pour ma mère, tu es l'architecte du Vatican. Un homme très distingué, très aimable, mais qui passe une seconde à jeter un regard sur sa fille, non. Plus j'y pense, Adriano, et plus je suis sûre que tu courrais un échec en parlant à ma mère. Non, tu sais, tu ne la connais pas. Sous ses airs de bonne femme, un peu simple, c'est une vraie tête de mule. Mais moi, telle que tu me vois, je ne fais ni plus haut, ni plus bas que ce qu'elle veut. Comment, depuis un an, j'ai pu être assez maligne pour qu'elle t'ignore? Là, quand j'y pense, je me dis que je dois être quand même assez forte dans mon genre. Ça, c'est vrai. Tu dis que tu es le mensonge. Ah oui. Tu dis que j'en suis incapable. Si je n'avais pas su mentir, aurions-nous pu continuer à nous voir? Oh, c'est vrai. Peut-être découvriras-tu un jour que je suis une vraie menteuse, une coquine. Oh, chère, chère coquine. Que ferais-tu si tu le découvrais? Quoi, que tu es une coquine? Par exemple? Ah, je ferais un retour complet sur moi-même. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, je comprendrais que l'on peut être droit et avoir des scrupules... Et en même temps, aimer une coquine. Oh, Adriano, c'est trop beau. Quoi? Que tu puisses quand même me dire ça. Oh non, mais je sais bien que ce ne serait pas possible et que ce jour-là, tu me détesterais, hélas. C'est un risque à courir. Oh, ne dis pas de bêtises. Tu as raison. Mais parlons sérieusement. Bien. Ce que je vais te dire va certainement te surprendre. Ah. Mais enfin, j'ai retourné la chose, voilà. Pour échapper à ma mère. Oui. Et à ma famille. Et pour que nous puissions nous voir comme tu le souhaites, et même autrement, en attendant ton annulation, oui. Je ne vois qu'un moyen. Lequel? Il faut que tu me permettes de me marier. Comment ça, te marier? Mais tu es folle, mais avec qui? Bon, n'importe qui. Mais elle est folle, mais pourquoi faire d'abord? Mais je l'ai dit, pour être libre. Mais je fais comme toi. Je me marie, je m'aperçois que ça ne colle pas, je fais annuler mon mariage. Mais puisque tu t'occuperas de ton annulation à toi, tu seras encore mieux placé pour faire avancer la mienne. Mais non, Isabelle, mais tu es complètement folle, mais je ne veux pas que tu dises des choses pareilles, enfin. Tant pis. Comment tant pis? Mais tu sembles regretter. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puisque tu n'es pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord, je ne le serai jamais, je te le dis nettement. Bon, n'en parlons plus. Oh, ça alors. Les dés sont jetés. Les dés, quels dés? Les dés! Adriano, l'aider. Tu ne me permets pas de me marier, c'est tout. C'est la vie. C'est ma vie. Sais-tu que tu es une drôle de fille, Isabelle? Ah oui? Et que tu as des idées? comme personne. Tu crois? Si je ne te connaissais pas comme je te connais, tu me ferais peur parfois. Mais tu me connais, Adriano. Heureusement. Bon, alors maintenant, il faut que je m'en aille, sinon ils vont s'inquiéter à la maison. Non. Je les connais, tu sais, non, puis je recommence à être moite. Moi, je sens que je suis moite. Oh non, très peu, en tout cas. Si, c'est la fièvre, tu sais qu'il y a rien, tu crois vraiment? Je la connais, tu sais, la fièvre. Mais ce n'est pas vrai! Tu es là avec... C'est avec vous, monsieur le comte, que je trouve ma fille. Avec moi, en effet, madame, mais... Cela doit vous tranquilliser, votre fille ne court aucun danger. Elle m'avait dit que malgré son état et sa fièvre, qu'elle devait absolument sortir pour une visite indispensable, mais jamais, au grand jamais, il me serait venu à l'idée. Cela vous déplaît-il, madame, que cette visite ait été pour moi? Tant que je n'en sais pas davantage, je ne dirai pas que cela me déplaît. Et cela me surprend, vous le comprendrez. Je suis très, très surprise. Quand j'ai vu qu'Isabelle l'attardait à rentrer... J'avais dit à maman où j'allais. Ah oui, ça me dit toujours où elle va, vous vous en doutez. Madame, me serait-il permis de vous parler une minute? Adriano, tu crois vraiment que c'est le moment? Non, je t'en prie, Isabella, je t'en prie. Mais est-ce que je dois comprendre? Je sens entre vous deux une certaine complicité. Est-ce que je me trompe, Isabella? Vous n'allez pas m'apprendre que vous compromettez ma fille unique? C'est bien joli de s'introduire chez les gens sous prétexte de voir leurs fresques, monsieur Front. Mais il y a fresque et frasque. Ne confondons pas. Il me déplaît, madame, de vous entendre dire que je me suis introduit chez vous. Je ne suis pas un cambrioleur, Isabelle. Je crois que le moment est venu de tout dire à ta mère. Ah, Dio mio! Ah, là, cette phrase dit déjà tout ce que je redoutais. Ah, et vous la tutoyez. Vous, un monsieur du Vatican, quel coup vous donnez à un cœur de mère. Mais madame, mais tout est très simple. Je vous prie de consentir à ce qu'Isabelle, là, soit à moi. Même si je ne puis encore l'épouser, voilà. Vous ne pouvez pas l'épouser? Vous êtes mariée? Oui, madame, mais l'amour, la force incommensurable de l'amour, le mien, le nôtre, ne redoute rien ni personne. Je vaincrai tous les obstacles. Un jour ou l'autre, j'obtiendrai l'annulation de mon mariage. Mais jusque-là, je vous prie, je vous conjure, car Isabella y consent aussi, de me considérer comme votre futur gendre. Isabella et moi sommes fiancés. Plus un mot, monsieur le comte. Vous êtes un homme d'honneur. Et pour des hommes comme vous, le divorce peut exister en Italie. Pas de divorce, madame. Jamais. Ah, ben alors c'est parfait. Nous aurons tous un divorce, croyez-moi. Je vous l'avoue, j'ai reçu un coup. Un coup très dur pour une mère. Mais j'aime mieux que les choses soient claires. Moi aussi. Naturellement, je vous demanderai le temps de me retourner, enfin de réfléchir. Mais ce n'est que juste. De toute façon, la pauvre chérie n'est pas bien en ce moment. Dès qu'elle sera rétablie, je veux l'emmener se refaire à la campagne. Ah, chez son oncle, en Sicile. Chez son oncle. Ah, monsieur le comte, je vois qu'elle vous a aussi parlé de son oncle. Ah, et je serais très heureux de le rencontrer s'il le faut. C'est un sauvage, vous savez. Il vous choquerait peut-être par ses manières un peu brusques. Mais c'est un sauvage qui a de grandes propriétés près de... Syracuse. Près de Syracuse. Avec des champs d'orangers magnifiques. Alors, comme il a invité Isabella, qui est aussi sa filleule. Ah, parce que c'est... Oui, j'ai accepté de l'envoyer chez lui un petit bout de temps. Vous comprendrez ça, n'est-ce pas, monsieur le comte? Il faut qu'elle se retape, votre petite Isabelle. Pendant ce temps, ben, je réfléchirai. Oh, peut-être même, j'en dirai un mot à son oncle. Oui, enfin, ça, on verra. Eh bien, pendant ce temps-là, moi, j'activerai les démarches pour mon annulation. Oui, ça dure un petit bout de temps, je crois, non? Quoi donc, madame? Ces annulations. Ah, tout dépend de la Saint-Trotte, bien sûr. Ben quoi? La Saint-Trotte. Oui, c'est le tribunal qui statue au Vatican sur les cas d'annulation. Mais on en revient à bout, croyez-moi. Oh, très bien. Eh bien, Isabella, tu ne dis rien? Non, je sens que ma fièvre revient. Ma chérie, viens vite, laisse-toi coucher. Excusez-nous, monsieur le comte. Mais comment donc, madame? Alors, tu es content? Oh oui, pas toi? Je nage dans le bonheur, ça ne se voit pas. Je te téléphone. C'est ça, et si Isabella est au lit, c'est moi qui vous répondrai. Oh, merci, madame. Mes hommages. Tu vois, maman est comme toi. Elle ne peut vivre que dans la vérité. Mmh. pas pu t'en empêcher. Hein. Ouais. Je t'avais dit, attends-moi dehors, mais toi... Je ne sortais plus. Alors je me suis dit, il lui est arrivé quelque chose. Mais qu'est-ce que tu voulais qui m'arrive? Tu sais qu'il me plaît, ton comte du pape. Ah, il ressemble pas à Mastroianni, mais c'est un monsieur. Il sait parler aux femmes, tu as raison. Dommage. Dommage qu'il n'y ait rien à faire. Mais comment rien? Comment il va demander l'annulation? Quelle annulation? C'est des histoires, tout ça. Avant qu'il ait son annulation, toi, t'auras eu 4 enfants. La Saint-Trotte, c'est de la pilule, tout ça. Enfin, si l'on peut dire. Mais pour être amoureux de toi, alors ça, il l'est. Il l'est, hein? Voilà. Dis-moi, comment se fait-il que je plaise tellement à un homme comme lui? Moi? Justement, moi. Pourquoi? Quel homme comme lui? Moi, je ne sais pas, un homme compliqué, sérieux, religieux même. Pourquoi je lui plais tellement? Hein? Je devrais pas être son type. Et lui, pourquoi est-ce qu'il me plaît tellement à moi aussi? Eh bien, écoute, lui, il te plaît parce que c'est un monsieur, et toi, tu lui plais parce que t'es pas une dame. Alors, qu'est-ce que je suis, moi? Une regarde, ça! Tous les aristocrates sont les mêmes, ils aiment le peuple par vice. Au Vatican comme ailleurs. Ah, entre toi et lui, si je m'y retrouve. En tout cas, lui, c'est du vent. Hein. C'est le courant d'air des couloirs du Vatican. Laisse-le courir. Oh, tu m'énerves, tu m'énerves. Oh, bah, plains-toi de moi. Plains-toi de moi. Alors, j'ai tout arrangé. Arrangé quoi? Eh bien, ta convalescence, Syracuse. Ah, dis donc, t'aurais pu me prévenir que t'avais un compte. Hein. Heureusement que je suis une rapide. En tout cas, t'auras tout ton temps pour ton voyage de noces. Il te laissera tranquille. Ah, mais dis donc, il va falloir trouver un truc pour les cartes postales. Quelle carte postale? Eh bien, celle que tu devras lui envoyer de Syracuse, puisque vous allez en voyage de noces à Venise. Tu me dégoûtes. Tu connais Syracuse, Beniamino? Syracuse. Ah non, monsieur le comte. Moi non plus. Mais ça m'a l'air très beau, regarde. Oh, ah. Bellissimo. Ah, tutto va bene, Beniamino, tutto va bene. Dans un mois, une nouvelle vie va commencer pour moi. Une nouvelle vie. Quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 23 avril. Le 23 avril. Le 23 avril, j'en suis certain, c'est mon anniversaire. Ton anniversaire aujourd'hui, je ne savais pas. Eh bien maintenant, monsieur le comte le sait. Eh ben oui, bon, ben alors je vais te faire un cadeau. Oh, monsieur le comte. Ah, si, j'y tiens absolument. Voyons, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une Vespa, un transistor, le Colisée. Oh, c'est trop, monsieur le comte. Oui, enfin, en modèle réduit. Quel âge as-tu aujourd'hui? 37 ans. Bravo, c'est mon âge. Oui, enfin, à 10 ans près. Le 23 avril. Voilà donc une date à ne plus oublier. Date heureuse et mémorable, anniversaire de Beniamino, le 23 avril. C'est noté là. Et moi, je renaîtrai autour du 23 mai, une sorte de nouvel anniversaire pour moi. Ah oui? Hein? Je peux pas encore t'expliquer ça. Bien, monsieur le comte. Ah, elle doit commencer à reprendre des forces et des couleurs parmi les orangers de Syracuse. Comment? Hein? Ah non, je parlais tout seul. Tu entends, Beniamino? Si j'entends, quoi donc? Hein? Non, je n'entends rien, monsieur le comte. Ah bon, je ne sais pas, il m'avait semblé. Hein. Comte, ne se fasse pas de mal avec cette subite frénésie de gymnastique et de sport. Monsieur le comte doit savoir qu'il a toujours été jusqu'ici contre le sport. On change, cher Beniamino, on change. Il est un âge où la jeunesse réside dans les articulations. C'est sans doute pour cela que monsieur le comte fait des assouplissements. Voilà. Mais monsieur le comte est encore jeune. Bien sûr, mais je tiens à le rester. De la gymnastique, je passerai à la boxe. Oh. Ah. Oh. Oh, mais monsieur le comte, on verra alors des choses surprenantes. Bon. Surprenant, Beniamino, surprenant. Je me rappelle que le 23 avril, le jour de mon anniversaire... Ah, mon Dieu, tiens ton cadeau que j'ai encore oublié. Oh, monsieur le comte y pensera un de ces jours. Oui. Je me rappelle que ce jour-là, monsieur le comte m'a annoncé pour le 23 mai une sorte de second anniversaire pour lui. Ah oui, enfin, je voulais dire moralement. Nous sommes le 23 mai. Le 23 mai aujourd'hui. Oui. Mm-hmm. Puis-je me permettre de demander à monsieur le comte si l'anniversaire en question a bien eu lieu? Eh, tu le vois, Beniamino, tu le vois. Je t'avais dit que je renaîtrais, je renais. Les choses vont comme je le souhaite, tu me vois en pleine forme. Bon, à ce propos, j'attends ce matin la visite de madame la comtesse. Sitôt qu'elle sera là, fais l'entrée, je vais m'habiller en attendant. Bien. Dépêchons, car ce matin, que je le veuille ou non, je vais être en retard. Et le roi, la perle des instituteurs, va finalement se faire... Engueuler ! Attraper ! Je t'ai déjà dit mille fois de ne pas employer tout le temps ce langage. C'est tellement plus agréable de ne pas entendre des mots d'argot qui traînent partout. Ah. T'as raison, mon chéri, t'as raison, je vais me surveiller. C'est bien. Oh. Contente? Heureuse. Tu sais que tu es une curieuse bonne femme, tu sais. Heureuse. Ce que je comprends pas, c'est qu'avant, je me réveillais toujours facilement de bonne heure, et maintenant, alors... Ah bon, Tu ne comprends pas? Non. Ah, si nous restons à table, restons-y donc longtemps. L'amour est agréable. Pourquoi ris-tu? Tu ne comprends pas. Je t'expliquerai ce soir. Dis-moi pourquoi. Je t'expliquerai ce soir si tu as été sage. Bon, mais alors maintenant, il faut y aller, parce que tu as eu un peu l'heure. Déjà, se tourne. Comme tu disais, du temps de nos fiançailles, le devoir, avant tout. Allez, il faut filer maintenant. Allez. Allô, c'est toi? Eh ben oui, c'est moi. Ben alors, que se passe-t-il? Mais je ne sais pas, un instant en dérangement. Ah oui, mais maintenant, ça va? Oui, maintenant, tout va bien. Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour. Comment es-tu? Oh, le mieux du monde. Oui? Oui. Heureuse? Oh, très heureuse. Tu ne l'as pas senti? Quand? Oh, ben, je ne sais pas, moi. Tout le temps. Depuis ton retour de Syracuse, depuis que nous nous sommes revus. Voilà. Ah oui. Oh, j'ai senti que tu étais heureuse de me retrouver tous ces jours-ci. Mais moi, tu sais, il y a des moments où je pense terriblement à toi. Moi aussi. Quand? Oh, je ne sais pas, moi. Je ne peux pas te dire exactement. Eh ben tiens, hier soir, moi, j'ai beaucoup pensé à toi. Très fortement, même. Et j'étais très heureux. Et tu vas me dire si tu l'as senti et si tu étais heureuse, toi aussi. Sûrement. À 10h30. À 10h30, j'étais couchée. Et tu étais heureuse? Oui. Très heureuse? Oh, oui. Et des imbéciles prétendent que les antennes n'existent pas en amour. Et toi, où étais-tu? Chez le cardinal Lazzarone. Oui, un dîner avec mon père. Alors, je l'ai laissé parler, et tout d'un coup, paf! La pendule a sonné 10h30. J'ai presque sursauté. Et le cardinal a dit, tiens, Adriano se promenait, en ce moment, il était à la campagne. Eh ben, c'était vrai, mon ange. J'étais à la campagne avec toi et nous étions très heureux. Alors comme ça, tu dînes chez les cardinaux et à 10h30, tu te promènes dans la campagne. Non, il fait partie du sacré collège. Je travaillais pour nous. Ah oui, pour l'annulation. Oui, mais je crois qu'on finira par y arriver, tu verras. Et j'ai une surprise. Ah. J'attends ma femme d'un instant à l'autre. Ta femme? Oui. Et cette entrevue sera capitale. Mais tout me laisse croire que les choses iront comme sur du velours. Allô? Tu ne dis rien? Je t'écoute, Adriano, je t'écoute. Tu sais, je pense à cette annulation pour laquelle tu te donnes tellement de mal. J'ai des scrupules. Comment ça, des scrupules? Enfin, je veux dire que même si tu y renonçais, même s'il n'était pas possible que tu l'obtinses... Comment as-tu dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il n'était pas possible que tu... l'obtinses. C'est pas ça? Oh, mais que voilà un langage châtié. Jamais tu n'aurais prononcé une phrase pareille avant. Mais avant quoi? Avant quoi? Ne m'as-tu pas fait souvent remarquer que je parlais d'une façon trop relâchée? Moi? Mais oui, toi, tu me l'as dit. Tu m'as dit qu'il fallait que je surveille mon langage, que je m'affine. Je m'affine, mon cher, je m'affine. Eh bien, foutre! Ah! Oh, tu vois comme tu te moques de moi. Ah non, je ris, je m'amuse. C'est bon de rire. Oh oui, c'est bon, c'est bon. Et ça me donne envie de te voir. C'est si bon de rire avec toi. Surtout quand tu as ton air des grands jours. Eh bien, on se voit tout à l'heure, à 11h. Oui, je suis libre jusqu'à 13h. Toujours au Vieil Empire? Oui, très bien. On a sonné. C'est elle. Alors, sois près de moi. Je ne te quitte pas une seconde. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et toi? Mais je t'ai déjà dit que je... Mais non, j'ai pas entendu. Fais-moi un plus fort. Ben, je peux pas. Le salopard. Il a raccroché le premier. Cher Paolo. Comment allez-vous, Paolucci? Coussi, coussa. Mon Dieu, pourquoi? Mais pour rire un peu. C'est bon de rire, non? Et comme c'est gentil à vous de venir me voir avec le sourire aux lèvres. Oh, ne suis-je pas toujours tout sourire avec vous, Adriano? C'est vrai. C'est vrai. Oh, pardon, vous ne voulez pas vous asseoir? Oh, mais si, bien sûr. Vous ne voulez pas vous débarrasser? Non, merci. Beniamino, qu'on ne nous dérange pas, n'est-ce pas? J'y suis pour personne. Pour personne? Bien, monsieur le comte. Vous serez gentil de me donner un verre d'eau, Beniamino. Tout de suite, madame la comtesse. Oh, pardon, vous ne préférez pas une tasse de café? Mais non, vous le savez bien, le matin, un verre d'eau, tout simplement. C'est vrai. Vous l'aviez oublié. Non, bien sûr. Oh, seconde distraction. Oh, je suis navré, Paola, de vous avoir demandé de venir ici alors que c'est moi qui aurais dû aller jusqu'à vous. Mais non, voyons, nous serons beaucoup plus tranquilles ici pour bavarder. Eh oui, votre mère m'en veut toujours beaucoup. Non, je n'insinue nullement. D'ailleurs, ma mère ne vous en veut pas, Adriano. Mais elle se refuse toujours à croire que vous et moi, nous puissions vraiment ne plus être... Elle veut toujours espérer. Je crois. Vous savez comme elle est, la pauvre. Mais... Eh oui, c'est une femme admirable, une délicatesse, une classe. Merci, Beniamino. Adriano, vous vouliez me voir? Oui. Voici. Cher... Très chère Paola. Non, Adriano, je vous en supplie, ne commencez pas à prendre de grands airs et à faire de la diplomatie. Nous savons tous les deux de quoi nous allons parler. Avec moi, la diplomatie est tout à fait inutile. Et j'ajouterai que votre diplomatie personnelle... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ma diplomatie? Eh bien, disons qu'elle n'a rien à voir avec la diplomatie. Vous êtes un grand ingénu qui veut jouer au diplomate. Mais le fait est qu'en prenant les choses de haut, vous vous noyez dans un verre d'eau et que vous n'arrangez rien. Oh, inutile de me regarder avec ces yeux-là. Vous savez très bien que nous resterons toujours bons amis, même en nous disant la vérité, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais plus que des amis. Moi ou plus, je ne sais pas, disons de bons amis. Alors, qu'avez-vous à me dire? Et voilà, j'ai à vous demander... de bien vouloir régulariser notre situation. Cette formule rapide vous convient? Tout à fait, continuons. J'aurais trouvé inélégant de vous le faire savoir par un avocat. Ça aurait été très inélégant, vous avez raison. J'ai préféré vous le dire moi-même. J'y suis extrêmement sensible. Qu'y a-t-il donc de nouveau? Mais pourquoi de nouveau? Mais pour motiver ce désir. Mais rien, absolument rien de nouveau. Je voudrais régulariser notre passé. Oui, mais encore... faire annuler notre mariage, Paola. Ah, à ce point-là, une annulation. Bah, écoutez, franchement, c'est normal. Non, pas autre chose à faire. Vous savez que je n'aime pas les situations fausses. Elles peuvent avoir de fâcheuses conséquences d'ordre moral. Tout le monde sait maintenant ce que nous sommes l'un pour l'autre, vivant chacun de son côté. Alors je vois pas, moi, pourquoi nous continuerions. Non, je suis tout à fait de votre avis, les piloguons pas, nous annulons. Ah. Dites-moi rapidement ce que je dois faire, vous avez mon consentement. Ah. Je suppose que je vais avoir à dire un certain nombre de mensonges, n'est-ce pas? Ah non, alors aucun. Aucun mensonge. La vérité, au contraire, toute la vérité. La vérité, vous voulez dire la nôtre? Vous perdez l'esprit. Non, raisonnons un peu, s'il vous plaît. Mon avocat m'a affirmé... Ah, parce qu'il y a déjà un avocat entre nous. Ben oui, il me semblait vous l'avoir dit. Vraiment, il vous semblait. Non, écoute, alors Paola, franchement, quand moi je... Quand vous prenez le mort aux dents tout de suite, alors? Que dit-il cet avocat? Enfin, il n'y a vraiment pas de quoi vous irriter, parce que... Un avocat, un spécialiste, a pu me donner, en toute discrétion, quelques conseils. Non, alors vraiment, je ne vous comprends pas, Paola. Vous le comprendrez, peut-être, laissons cela. Que dit-il, je vous en prie, l'avocat? Eh bien... Eh bien voilà, qu'il est avant tout indispensable que nous choisissions, d'un commun accord, le motif de l'annulation qui doit être présenté au Sacré Collège. Oui, c'est nous qui devons le choisir. Ah bah oui, à qui voulez-vous? Je veux dire, pourquoi n'est-ce pas l'avocat qui choisirait puisqu'il connaît ce genre d'affaires? Eh. Enfin. Voulez-vous l'incompatibilité d'humeur? Ce n'est pas suffisant pour l'Église. Elle a raison. Comme elle est sage, l'Église. Mmh. Eh bien, nous nous dirigerons vers le vice de forme, peut-être. Enfin, en cherchant bien, on doit pouvoir. Moi, je voudrais quelque chose de plus... De plus? Non, comment dirais-je, de plus... Plus conforme à notre situation. Ah oui, je vois. L'impuissance, ça vous irait? Qui ça? Impuissant, et qui? Moi? Oh, je plaisantais, Adrien. Ah, vous plaisantiez? Je sais. Je sais qu'avant moi, vous avez eu des maîtresses et que vous en avez eu d'autres depuis notre séparation. Certains ont même tenu à ce que je n'ai aucun doute à ce sujet. Rassurez-vous, je sais que vous êtes un homme. Non, je vous le répète, je plaisantais. Mais avouez que ce n'est pas précisément un sujet de plaisanterie, Paola. Mais tout de même, si nous renonçons à cette impuissance qui vous a fait monter sur vos ergots comme un coq offensé, il faut bien admettre qu'il en a existé une, en ce qui vous concerne, et plus grave que l'autre. C'est l'impuissance à m'aimer, en tout cas. J'aurais été la seule, en somme, avec qui, pour de mystérieuses raisons... Paola de Grâce... Que voulez-vous, mon cher, c'est vrai. Nous cherchons un motif à l'annulation de notre mariage. Il est là. C'est le seul. Mais... Ne me demandez pas de révéler officiellement mon triste privilège. Je ne le ferai jamais. Vous n'aurez pas de mal à le comprendre, je pense. Mais vous devez avoir une idée, puisque vous avez à ce point insisté pour me voir. Alors dites-la tout simplement et finissons-en, car moi aussi, j'ai quelque chose à vous demander. Ah oui, mais quoi donc? Mais dites, ma chère. Je t'ai pas pressé tout à l'heure. Bien, non, je ne veux pas vous dire que j'ai une idée précisément arrêtée. Elle devrait surgir de cet entretien. Eh oui, ben, elle ne surgit pas. Eh bien. Alors pourquoi nous creuser la tête? Demandez à votre avocat, ce sera plus simple. De toute façon, je vous l'ai dit, je souscris à tout ce qui vous conviendra. Vous m'apportez les papiers et je signe. Je ne peux pas être plus fair-play. Comme toujours. Un ange, non? Un archange, Paolucia. Allez, maintenant, que vouliez-vous me demander? À mon tour d'être un ange pour vous. Moi? Ah oui, toujours ma maudite curiosité. Je voulais savoir, oh, ce n'est qu'un détail, bien sûr. Dites. Pourquoi vous avez brusquement ce désir de faire annuler notre mariage? Qu'est-ce que cela vous apporte? Mais je vous dis rien de plus. C'est pour être dans une situation nette, régulière. Vous connaissez mes scrupules moraux. Menteur, vous n'en avez aucun? Paola, vous me connaissez? Oui. C'est justement parce que je vous connais que je le dis. Non, je vous le répète, ne jouez pas les diplomates avec moi, ça ne prend pas. J'accepte tout ce que vous désirez. À la condition que vous ne me parliez pas de scrupules moraux. J'ai horreur de ce genre de trucage. Bon, bon, bon, bon. Vous n'auriez pas l'intention de vous remarier par hasard? Moi? Oh, mais quelle idée! Pourquoi? Ce serait une idée très normale, il me semble. Oh, alors là... Alors là, Paola, je vous affirme... N'affirmez rien, surtout. Oh! Pauvre cher Adriano. Il voudrait se remarier, il ne le peut pas. Dans quel guépier il est allé se mouler. Enfin, mais Paola, mais qu'allez-vous chercher là? Que voulez-vous? Je veux la vérité. Et je la connais. La fille que vous voulez épouser. La fille? Quelle fille? Isabella. Ah bon, alors. Parfait. Alors je suis espionné, en quelque sorte. Oh non, non, nullement, ce n'est pas par goût de l'espionnage que je me suis renseignée, mais par intérêt pour vous, Adriano. Je ne dirai pas par amour, cela vous déplairait. Et bien que séparés, vous n'avez jamais cessé de m'intéresser, figurez-vous. J'en suis très flatté et heureux, enfin heureux dans la mesure où cet intérêt ne vous pousse pas à me mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, je veux vous aider. Ça, je vous sais une femme tout à fait supérieure, Paola, mais n'allons pas trop loin. Alors vous connaissez cette jeune fille? Du tout, mais je suis au courant. Eh oui, il me semble même l'être plus que vous. Non, mais au courant de quoi? De sa personnalité. Il me paraît tout à fait extraordinaire que vous ne soupçonniez pas ce que je sais, car vraiment, vous ne semblez pas en avoir une idée. Je crois qu'en parlant par énigme, par là, nous devons parler de choses différentes. Je suis sûre que non, voyez-vous? Alors, je ne vous suis pas. C'est très normal. Isabella... est marié, Adriano. Comment ça? Cette jeune fille mariée? Très exactement le 23 avril, il y a un mois jour pour jour, dans l'église de San Felice, selon le rite habituel. Voulez-vous prendre pour épouse ici présente? Oui, voulez-vous pour marier autant qu'on peut l'être, devant mère et curé, avec le sieur... Mmh. Seconde, je vous laisserai le document qui peut d'ailleurs vous intéresser. Non, non, mais avec qui? Albino Foliano, instituteur. Actuellement en fonction à l'église, à l'école Lazzario Sauro, avenue des Rois de Rome, en ville, téléphone 22 32 40. Non, mais ce n'est pas vrai, enfin, je ne puis le croire. Croyez-y, calmement et en silence. Vous pourrez vous convaincre ici que je n'invente rien. Mais comment avez-vous été au courant? Comme vous pouviez l'être, mon cher, comme tout le monde. Par affiche. Les mariages sont affichés pendant 2 semaines aux portes des mairies et des églises. Je m'en vais faire un de ces scandales. Faites-en, hein. Mais soyez assez bon pour attendre un moment. Je préfère ne pas y assister. Je suis persuadée que ce serait à la fois comique et pénible. Oh, n'oubliez pas que je reste entièrement soumise et obéissante à vos plus chers désirs. Adriano. Oh, Paola, prenez garde. Si vous avez fait ça par jalousie ou dans un esprit de vengeance, je ne vous le pardonnerai jamais. Jamais! Moi? Mais qu'ai-je fait? C'est elle qui s'est mariée, pas moi. Mon rôle s'est borné à vous sortir de votre rêve et à vous ouvrir les yeux. En l'occurrence, c'était plutôt gentil de ma part. Non? Au revoir, Adriano. C'est le coup de barre. Le coup de barre classique. C'est extraordinaire. Je ne me sens pas aussi furieux que je devrais l'être. Et j'attends que tout mon sang me vienne à la tête. Non, il ne vient pas. Je suis froid et lucide. Je dirais même que maintenant, je vois tout très clairement. Oui, tout. Dans le fond, Isabelle, je l'admire. Elle est forte. Elle est très forte. Une coquine, mais... Une coquine de classe. Et qui peut dire quel est le secret motif? Car il doit y en avoir un. Ah, le cœur humain. Les mystères du cœur humain. Bon, eh bien, nous allons tâcher d'y voir clair. Et tout de suite, hein, monsieur comment? Albino Infogliano. Instituteur. À l'école Nazariosa. Allô, l'école Nazario Sauro. Je voudrais parler à l'instituteur Albino Fogliano. Ici, c'est l'inspecteur principal. Et il est là, oui ou non? Mais ça ne fait rien qu'il interrompe sa classe. Mais oui, au téléphone! Oh, pardon. Monsieur le comte m'a appelé? Mais non, mais pas du tout. Pas appelé du tout. Ah, pardon. Bonjour. Allô? Allô, là. L'instituteur Fogliano? C'est lui-même. Ici, c'est un ami de l'inspecteur principal. Oui, un ami. Ah voilà, je voudrais vous parler de Madame Fogliano. Oui, précisément de votre femme. Voilà. Alors, mais je vous répète, je suis un ami. Alors voilà, vous devriez aller vers 11h15 au café du Vieil Empire. Vous y trouverez votre femme. Oui, c'est ça, dans un quart d'heure. Ah non, mais je vous assure que vous la trouverez. Ah, ça je ne puis le dire. Ah oui. Ah oui, nous sommes comme ça. Nous, à l'académie, nous surveillons les instituteurs. Les instituteurs et leurs familles. Ah, je ne puis vous en dire davantage. Allez, et vous verrez. Comment? Quoi? Oh, s'il vous plaît! Non flectare. Je me brise, mais ne plie pas. Et maintenant, ma petite fille, tu n'as plus qu'un quart d'heure devant toi, et à nous deux, ou plutôt à nous trois. Première fois aujourd'hui, c'est mademoiselle qui est en avance. Ou monsieur le comte qui est en retard. Oui, c'est la première fois. Il est bien 11h. Oh, passé de 2 minutes seulement, mademoiselle. Ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Dites-moi, il y a longtemps, Isodoro, que vous connaissez monsieur le comte. Oh, je pense bien, mademoiselle. Quand il était un petit garçon, oh, comme ça. Oh. Comme ça, même. Oh. Il venait souvent le dimanche avec le vieux comte. Enfin, son père. Je dis vieux parce qu'aujourd'hui... Comment est-il, le vieux? Je veux dire son père. Oui, le vieux. Oui. Oui. Comment il est? Oh, comment dire aujourd'hui? Il est un peu fatigué. Oui, fatigué, c'est le mot. Que voulez-vous? Les années passent. Mais de son temps, c'était un grand seigneur, par exemple. Oh là là, il faisait la pluie et le beau temps à Rome. Un pied au Vatican, un pied au conseil municipal. Je crois qu'il en avait un aussi à la cour, dans la maison royale. Encore un pied? Oh, ça, c'était quelqu'un de solide, vous savez. Vous ne le connaissez pas? Non, ça ne m'était pas très facile. Et son palais, vous ne le connaissez pas non plus? Non plus. Oh, ça, j'aimerais bien. Oh, une jolie demoiselle comme vous ne manque pas d'arguments pour convaincre son fils. Ah, voilà, monsieur le comte. Nous sommes un peu en retard, monsieur le comte. Je vous ai passé le temps à la demoiselle. Je suis désolé, Isabella, tu n'as pas trop attendu, j'espère. La même chose? Oui. Non, pas pour moi, non. Non? Apporte-moi un Fernet Branca. Oh. Quelque chose qui n'a pas passé, monsieur le comte. Oui, c'est ça, quelque chose qui n'a pas passé. Ça ne va pas? Tu t'es engueulé? Enfin, je veux dire, tu... Tu as eu des difficultés avec ta femme. Il y a du tirage. Il y a du tirage, oui, du tirage. Je te l'avais dit. Tout était d'accord, entendu, à l'amiable, et puis au dernier moment, des ongles, des griffes. Mais parce qu'au dernier moment, tu lui avouais que tu souhaitais ta liberté pour pouvoir m'épouser. Eh oui. Et à partir de là, ça n'a plus gazé. Voilà, ça n'a plus gazé. Je te l'avais dit, tu te souviens, je te l'avais dit. Tu m'as dit qu'elle était trop bien née pour se conduire mal. Je t'ai répondu, moi. Non, mais je me rappelle ce que tu m'as répondu. Tu as eu l'air de trouver que j'y allais un peu fort. En effet. Mais je ne disais que ce qui est. Oui, en somme, elle s'est montrée la dernière des vaches. Elle a été assez perfide, en effet. Oh, perfide, c'est le mot vache en distingué, tu sais. Oh, c'est bien ce que je disais. Mais qu'est-ce qu'elle veut, en somme? Elle sait bien que pour le nom de mon père, je ne peux pas faire de scandale, alors elle en profite, voilà tout. Dis-moi, Adriano, je m'excuse, mais est-ce que ça ne serait pas des questions d'argent? Non, pour l'argent, on s'arrange toujours, non. Elle veut ni plus ni moins que nous nous adressions directement au pape pour trancher notre cas. Ah, et ça peut se faire? Bon, d'habitude, non, souvent, tu sais. Avec l'appui de mon père, aussi bien elle est capable d'y arriver. Et si le pape te donnait raison? Et si, et s'il me donne tort, après lui, je peux m'adresser à qui? Non, je ne veux pas, je refuse. Je veux l'annulation normale, simplement et tout de suite. D'ailleurs, maintenant, je crois au fait accompli, je les mets tous devant le fait accompli. C'est-à-dire? Je t'enlève. C'est décidé, c'est déjà fait. Et qu'arrive le scandale, et qu'arrive la fin du monde, je quitterai même Rome, s'il le faut. Et vous dites que vous nous quittez, monsieur le comte? Non, ce n'est pas certain encore, mais je ferai peut-être partie de la suite du cardinal Légat. Oh, quelle belle chose ce serait pour vous, monsieur le comte. Oui, c'est ça, quelle c'est belle chose. Alors ça y est? Tu me suis? Tu pars avec moi? Tu es décidé? Tu pars avec moi? Mais comment? Ben, tu me suis. C'est tout. Plus rien n'existe que nous. Un geste. Fais seulement un geste qui me prouve ta sincérité. Piano, Adriano, réfléchissons. Ah non, je ne réfléchis plus, si tu veux le savoir, j'ai trop réfléchi. Je passe aux actes, nous partons. Ma famille, mais tu sais bien que je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas, hein? Pourquoi? Et parle à la fin. En ce qui te concerne, il ne s'agit pas des scrupules moraux qui m'ont fait reculer, moi, de jour en jour. Alors quoi? Ta mère? Non, mais qui te dit que moi, de mon côté, je n'ai pas à surmonter? Ben toi! C'est toi qui me l'as toujours dit. Mais voilà, je te l'ai dit. Alors, si je te confesse la vérité, tu t'en serviras contre moi. On verra bien. Alors? Alors? On change. Figure-toi, on change. J'ai changé. Et c'est toi qui m'as transformée. On ne peut pas passer des heures comme je l'ai fait avec toi sans être influencé, sans commencer à ressentir certaines délicatesses de sentiments. Tiens, ce que tu appelles tes scrupules moraux, tu me croiras ou non, ça m'est égal. Je les ressens, moi aussi, comme toi. Au début, j'étais prête à tout. Parce qu'au fond, je ne t'aimais peut-être pas vraiment. J'étais impressionnée, mais autant par ta situation que par toi. Je me voyais comtesse, alors je galopais. Ce que je voyais en toi, c'était celui qui pouvait me sortir de ma famille, de changer ma vie. Et au fond, j'étais égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Aujourd'hui, tu m'as forcée à réfléchir beaucoup, à sentir certaines nuances, à m'affiner, comme tu disais. Alors aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même Isabelle. Je t'aime pour toi. Je ne compte plus avec moi. Je me suis donnée à toi. Et quel que soit l'avenir, ça m'est égal. J'accepte de rester chez moi, enfermée avec ma mère, du moment que je le fais pour toi. Et je ne veux pas, qu'à cause de moi, pour moi, tu fasses une bêtise, un scandale, qui te rendrait très malheureux, j'en suis sûre. Du moment que tu m'aimes, je n'en demande pas plus. Et si je te perdais, oh, je crois que je deviendrais folle ou que je serais capable de faire une folie. Ce n'est pas croyable. Tu ne me crois pas? Non, je veux dire, une telle transformation est à peine croyable. Ça, c'est trop. Oh, c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Si ça continue comme ça, je finirai dans un couvent. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Ce monsieur qui arrive là ne me contredit pas, je t'expliquerai. Bonjour. Petite surprise, n'est-ce pas? Je vois que l'on m'avait bien renseigné. C'est parfait. Qui est ce personnage? Ce personnage, c'est moi, monsieur, qui dois plutôt vous demander. Est-ce qui vous permet... Bah, monsieur... Non, non, non, je vous en prie, je vais vous expliquer. Monsieur est le comte Adriano Gandolfi. Un ami de ma famille. Maman le connaît très bien. Maman! Adriano, je te présente mon mari. Comment ça, ton mari? Tu ne vas pas me dire... Vous ne saviez pas qu'Isabella était mariée? Je l'apprends. Non, non, Albino, non. Adriano ne le savait pas. Et quand tu es arrivé, d'ailleurs, justement, je m'apprêtais à le lui dire. Je n'ai pas pu le faire avant. Le comte revient d'un assez long voyage et... Oui, je reviens d'Amérique. Par bateau. Et elle ne vous avait pas dit que nous étions mariés? Je comprends qu'elle n'ait pas voulu me l'avouer tout de suite. Pourquoi? Nous avons été fiancés, monsieur. Fiancés? Vous deux? Voilà! Tu sais tout, Albino. Et quand? Avant mon départ. Et c'est pour me changer les idées, notre mariage n'ayant pas été possible, que je suis parti oublier Isabella en Amérique. Donne-moi ta main gauche, Isabella. Ma main, qu'est-ce que tu lui veux, ma main gauche? Tu ne portes pas ton alliance et ta bague de fiançailles? Oh, mon Dieu. Mais voilà, ils sont dans mon sac. Tu penses bien que si je les avais montrés à Adriano, si j'avais dit la vérité à Adriano avant qu'il les ait vus, le coup aurait été trop pénible. J'ai pensé que c'était plus délicat. Très, très délicat. Isabella, je vous remercie de cette attention. Et quand Isabella vient de vous dire « voilà mon mari », vous avez trouvé ça plus agréable que si vous aviez vu son alliance? Agréable? Je ne sais pas. Le coup était rude. Enfin, il me semble que devant vous, j'étais obligé de la croire. C'était plus évident. Sans vous, j'aurais douté. Même en lui voyant une alliance? Et une alliance est moins évidente qu'un mari. Bien, cher monsieur, je suis désolé de vous imposer mon évidence. Mais je suis le mari d'Isabelle. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Alors, en somme, vous ne saviez rien. J'ai eu l'honneur de vous dire. Je ne peux donc pas vous en vouloir. Et moi non plus, je ne savais absolument pas qu'Isabella et vous... Mais toi! Toi, tu le savais, toi! Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi? Ça y est! Ça y est, ça va être ma faute, bien entendu! Alors ça, c'est le comble! Je ne dis rien! Je ne parle de rien! Et on m'engueule! Et c'est moi la coupable! Un jaloux comme toi, à qui on ne peut rien dire sans qu'il se croit trompé, qui vous espionne du matin au soir! Moi? Oui, toi, jaloux espion! D'abord, comment savais-tu que j'étais ici, hein? Comment savais-tu si tu ne m'espionnes pas, hein? Comment? Par quoi? Et c'est moi la coupable! Et c'est à moi qu'on pose des questions! Mais je veux vivre dans la confiance, moi! Je veux qu'on me croie quand je parle et qu'on ne m'espionne pas. Adieu, je m'en vais, je vous laisse, ça vous apprendra. C'est sa fille! Et tout droit à la maison, hein? J'irai où je voudrais! Du moment que je ne te rencontre pas! Ordinario! Elle n'est pas contente. Non. Elle a un tempérament assez vif. Ah, mais vous devriez la suivre, hein, il ne faudrait pas. Que... Vous croyez, j'ai pas l'habitude de ce genre de situation. Vous craignez vraiment que... Bon, je ne pense pas, enfin... Vous ne craignez pas un malheur? Non, franchement. C'est exclu, d'après vous? Oui, sûrement. Alors j'aime mieux rester ici et être énervé, elle dira encore que je l'espionne. Comme vous voulez. Vous la connaissez suffisamment pour considérer qu'un malheur est exclu? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas quelle raison sérieuse elle aurait de... Oui, n'est-ce pas? En fin de compte, il y a pas de quoi fouetter un chat dans tout ça. C'est mon avis. Vous prenez quelque chose? Non, merci. Je ne peux pas dire que j'ai soif. Oui. Vous voulez une cigarette? Non, merci. Ouais. Oui, en fait, tout se ramène à ceci. Nous avons su, vous et moi, chacun à une époque différente, toucher le cœur d'Isabella. Et de nous deux, il se trouve que... C'est moi qui... je n'ai aucune raison de vous en vouloir. Vous avez eu un amour malheureux, voilà. Oui, mais pourquoi, m'a-t-elle caché ? Pourquoi ? Vous la connaissez depuis plus longtemps que moi, pourquoi ? Depuis quand la connaissez-vous ? Un peu plus de 2 ans. Et vous êtes parti en voyage à quelle époque ? Un peu moins de 2 ans. C'est-à-dire ? Il y a 3 mois environ. Pour l'Amérique ? Oui. Par bateau ? Mais ouais, je vais toujours en Amérique par bateau. C'est moins dangereux. Et puis c'est plus long. Et pendant votre voyage, vous n'avez échangé avec elle aucune correspondance ? Aucune. Puisque vous vouliez l'oublier, ça valait mieux. Je l'ai cru. Vous ne l'avez pas oublié? Non. Mais elle, elle vous a oublié. Justement, c'est ce que je me demande. Vous vous le demandez? Ah mais moi je vous le dis, elle vous a oublié puisqu'elle m'a épousé. Elle vous a épousé, mais elle ne m'a peut-être pas oublié. Elle a. Attention, nous mettons alors le pied sur un terrain dangereux. Je puis vous dire avec un certain nombre de raisons pour le croire que Isabella ne m'a pas épousé par dépit. Non, mais je ne dis pas ça. Et en admettant qu'elle l'ait fait, j'ai des raisons encore plus personnelles de vous dire que ce dépit chez elle a disparu. Et qu'il a même fait place à une certaine ardeur amoureuse qui ne trompe pas. Vous voulez dire ? Que dans mes bras, Isabella ne pense pas à quelqu'un d'autre, ça je vous le garantis. Oh, je vous demande pardon si j'ai manqué de délicatesse. Non, non. Si, étant donné votre situation d'amant malheureux, je veux dire de fiancé. Mais à ce propos, puis-je me permettre de vous poser une question indiscrète ? Je vous en prie. Avez-vous seulement été fiancé ? Que voulez-vous dire ? Je veux dire fiancé ou autre chose. Ou amant ? Oui. Qu'appelez-vous être amant, cher monsieur ? Si l'amour, enfin ce que j'appelle l'amour, ce sentiment très intense, exclusif, existe entre deux êtres, ne doit-on pas dire que ces deux êtres sont amants ? Oui, d'accord, oui. Tristan et Iseux, par exemple, après avoir bu le philtre, étaient-ils des amants ou non, à votre avis ? Oui, Tristan et Iseult, j'étais pas là. Mais vous n'avez pas... Vous n'avez pas... bu le filtre. C'est peut-être ce qui vous trompe. Oui, vous aimez les métaphores, comte. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est une chose précise. Si Isabella et vous... Nous avons eu ce qu'il est convenu d'appeler des relations intimes. Voilà. Si elle a été votre maîtresse. Mais elle l'est, autant qu'on peut l'être. Elle l'est. En ce moment ? Elle règne sur mon cœur. J'appelle cela être une maîtresse. Oui, bon, ça j'ai compris. Mais si vous avez couché ensemble... Puisqu'il faut le dire oui ou non. Je crois pouvoir vous assurer que non. Vous n'en êtes pas sûr. Si. Je n'établis pas comme vous des compartiments en amour, cher monsieur. Aimante Isabelle, comme je l'ai aimée. Mais il me semble que je l'ai possédée 100 fois. Oui, mais il vous semble. Cela n'a pas été. Non, jamais. C'est un point acquis. Vous pouvez en être certain. Alors ça. Qu'est-ce qui va ? Elle n'a pas été votre maîtresse, c'est ça qui compte. Ah, vous voulez dire que tout ce qui peut lier un homme et une femme, là, en dehors du détail, là, auquel vous pensez, on ne compte pas. J'appelle pas ça un détail. Mais c'est tout de même pas l'essentiel. C'est à voir. Mais l'essentiel, mais c'est l'âme. C'est la palpitation. Et voilà le mot, le terme juste. La palpitation particulière à deux êtres, qui fait que le bonheur existe ou pas, que ces deux êtres sont liés, qu'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre, qu'ils... Oh, vous avez une conception bien primaire et bien grossière de l'amour, permettez-moi de vous le dire. Je ne suis pas un aristocrate. Oui, non. Alors, vous estimez, en somme, que pour avoir respecté Isabelle, là, je suis un rêve. Pour elle, un rêve qui n'a pas pris corps, en quelque sorte, et que notre amour n'est qu'un mirage, que vous seul comptez, parce que vous l'avez tenu, là, dans vos bras. Eh bien, je ne vous laisserai pas vous pavaner dans cette sotte certitude de vous-même. Je voulais voir jusqu'où vous pouviez aller dans la vanité et l'aveuglement, mais maintenant... Votre personnage de mari enflé de suffisance imbécile, je vais le crever comme une baudruche. Elle n'a pas été ma maîtresse. Non, mais c'est moi qu'elle est. Car elle vous a menti. Je ne l'ai pas revue ici aujourd'hui pour la première fois, car je ne suis jamais allé en Amérique. Depuis votre mariage, je l'ai revue tous les jours. Tous les jours, nous étions à Venise. À Venise. En voyage de noces, nous sommes rentrés il y a 10 jours. Comment, à Venise, vous n'étiez pas à Syracuse? Et pourquoi Syracuse? Attends, une seconde, laissez-moi reprendre mes esprits, il me vient un soupçon. Quand vous êtes-vous marié? Le 23 avril. Le 23 avril? Mais ça me dit quelque chose, moi, ça, le 23 avril. L'anniversaire de Beniamino. Et c'est ce jour-là. Et j'ai reçu des cartes postales de Syracuse pendant tout le temps de votre voyage de noces. Eh ben, il m'a roulé. Nous avons été roulés tous les deux. Et ce qu'il y a de plus fort? Quoi? Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Ah non, asseyons-nous, reprenons souffle. Ça va trop loin. Dites, bon Dieu, vite que j'aille les assommer toutes les deux, elle et la vieille. Cher monsieur, je vous demande 1000 fois pardon pour le mouvement de colère que je viens d'avoir. Et au cours duquel je vous ai dit des choses insultantes. Je vous fais mes excuses. Vous êtes un esprit aussi supérieur que moi, et nous sommes deux imbéciles. Nous n'avons plus rien à nous envier l'un à l'autre. Nous n'avons plus qu'une chose à faire, nous unir. Faire front commun contre une coquine. Une coquine qui nous a joué, vous et moi, alors, comme deux gamins. Elle vous a épousé? Le 23 avril. Bon, eh bien, quelques jours avant, ici même, avec sa mère. Ah, la vieille, toujours la vieille. Oui. Ici même, avec sa mère, elle me jouait la comédie d'un départ prochain pour convalescence à Syracuse, chez un oncle. Comédia, tout avec elle est comédie. Mais quel oncle? Comment, elle n'a pas d'oncle à Syracuse? Mais ni à Syracuse, ni ailleurs, elle n'a aucun oncle. Et allez donc, elle n'a plus d'oncle. À chaque pas, on met le pied dans une crevasse. Donc, elle m'a caché votre mariage. Elle m'a trompé comme aucun homme ne peut être trompé par une femme, et à vous. Elle a caché mon existence, et l'amour qui nous unissait, c'est le mensonge incarné dans une femme. Elle est le diable. Et savez-vous ce qu'il y a de plus grave? Non. Elle est contagieuse. Voilà ce que je viens de découvrir. Car je m'aperçois que depuis l'instant où vous êtes entré dans ce café, depuis l'instant où vous êtes apparu à la porte, je vous ai menti. D'abord avec elle, en accord tacite avec elle, et puis tout seul, après son départ. Je vous ai menti tout le temps. Mais alors, vous avez couché avec elle? Hein? Mais non, mais ça, c'est la seule chose vraie que je vous ai dite. Vous en êtes sûr? Je vous donne ma parole de gentilhomme. Alors ça va. Je ne suis jamais allé en Amérique. Je n'ai jamais rompu ce que j'appelais nos fiançailles. Ben oui, c'est moi qui ai téléphoné ce matin à votre école pour vous dire que votre femme serait ici à 11h. C'est vous? Ben oui, je venais d'apprendre votre mariage, j'ai voulu la mettre au pied du mur, la forcer à avouer, j'ai voulu voir le visage qu'elle aurait devant nous deux. Elle est devenue verte. Vous y allez carrément, dites-vous. Quand vous êtes entré, elle m'a enfoncé ses ongles dans la main, tellement elle a eu peur, tenez, on en voit encore les traces. Et il a bien fallu qu'elle parle. Oui, et pour une fois, elle a dit la vérité. À moi? Pas à vous. Le mensonge a commencé tout de suite quand elle vous a dit que je revenais de voyage. Et vous avez ajouté que vous débarquiez d'Amérique, pourquoi? Ben pourquoi, c'est ce que je dis, pourquoi? Moi j'avais organisé cette rencontre pour la confondre et pour la juger. Et elle fait de moi son complice en une seconde. Et contre vous, je mentais autant qu'elle. Et aussi bien, dites-donc. Et plus je me sentais vous mentir, plus je m'amusais. Ah, vous foutiez de moi, trop demandé. Tant que je pouvais. Vous étiez le mari classique, idéal, à qui on raconte n'importe quoi. C'est une impression irrésistible. Ah ça. Non, mais continuez pendant que vous y êtes, foutez-vous de moi. Ah non, mais je vous dis de quoi elle est capable. Elle m'a fait mentir, moi. Moi qui ne mens jamais. Ah, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Elle s'est échappée, mais je vais la retrouver. Et si je suis son mari dans cette histoire, elle va s'en apercevoir. Je vais lui apprendre à vivre, moi. Non. Si vous m'en croyez, la violence ne sert à rien. Nous la tenons. Elle ne peut plus rien contre nous si nous nous unissons. Oui, mais c'est à moi. À vous. De votre côté, à moi du mien. Elle nous a roulés, roulons-la à notre tour. Alors voilà, nous allons nous voir tous les jours, si vous le voulez bien. Nous reconstituerons d'abord tous ces mensonges, comment elle s'est servie de l'un contre l'autre et vice-versa, et nous mettrons au point notre vengeance. Nous la verrons à nos genoux. Il faudra bien qu'elle demande grâce et qu'elle fasse enfin un geste qui nous prouvera à tous les deux sa sincérité. Jusque-là, occupons-nous de notre plan. Alors, à votre avis, du calme? Ah, pour le moment. C'est ce qui peut l'inquiéter le plus. De votre côté, du calme, du mépris, et du mien, une souveraine indifférence. Elle deviendra enragée et nous lui ferons faire mea culpa. Là! D'accord. Du calme. De la hauteur. Cher monsieur. Au revoir. Alors à demain, ici, 11h30. D'accord. C'est mon heure de sortie de classe. Naturellement. Secret absolu sur tout ce que je vous ai dit. Hein. Comptez sur moi. Du calme. Du calme, d'accord. Mais moi, je vais commencer par te laver. Et depuis 6 jours que ce porc est allé te surprendre avec l'autre et qu'ils se sont mis d'accord tous les deux contre toi, tu ne dis rien, tu laisses faire. Ah, je voudrais bien savoir quel est le saligo qui est allé prévenir Albino. Si je le tenais, celui-là. Un bel individu, en tout cas. Hein. 6 jours. Ça fait 5 nuits. Eh bien, moi, je ne supporterai pas que mon mari me méprise pendant 5 nuits et couche dans la pièce à côté. Non, ça, c'est une honte que tu ne devrais pas supporter. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es plus une femme. 6 jours. Ah là là là. Dis donc, écoute, si tu continues à ne rien lui dire, c'est moi qui vais venir ici, une nuit, qui le sortirai de son lit et qui le jetterai dans le tien. Qu'il le veuille ou non. Vous n'avez plus de principe, vous, les jeunes. Et l'autre, là, ton compte. Et non plus, il bouge pas, tu penses. Il téléphone plus qu'à Albino. Ils s'entendent comme deux larrons et sur ton dos. Hier, tiens-moi, j'ai surpris des conversations. Avec Adriano. Allô, ici c'est Albino. Aïe, aïe, aïe. Hier matin, Albino disait, nous sommes forts, nous sommes très forts. Elle rampera nos genoux, tu verras. Car en plus, depuis avant-hier, il se tutoie. Voilà où ils en sont. Il se tutoie, il se pète la tête. Alors, tu vas les laisser faire encore longtemps, dis. Hein? Tu as entendu Albino dire, nous sommes très forts. Oui, et aussi, elle rampera nos genoux. Et ça te fait rire? Eh oui, ça me fait rire, oui, ça me fait rire. Et à partir de maintenant, tu vas rire aussi. Ouais. J'ai bien pensé le premier jour, en retrouvant Albino, qu'ils avaient combiné quelque chose tous les deux. Et si depuis 6 jours, je ne dis rien, c'est que j'avais besoin d'en savoir davantage. Ah, ils sont très forts. Ah, je vais ramper à leurs genoux. Eh bien, ils vont voir. Ils vont voir si deux hommes unis contre une femme sont plus forts qu'elle, quand cette femme sait mentir. Dans les 24 heures, je vais les reprendre tous les deux, par le mensonge. Je vais les séparer et les reprendre l'un après l'autre. Et quand je les aurai repris, je les verrai ici même, à mes genoux, et en pleurant, ils me demanderont pardon. Pardon? Pardon! Ah oui, mais attention, Albino est têtu, ce sera pas facile avec lui, méfie-toi. Albino, mais c'est lui que je vais reprendre le premier, aujourd'hui même, ce soir. Il a rendez-vous avec Adriano à 9h. Et comme tous les soirs. À 9h, il sera dans mon lit. Tu es sûre? Je suis même sûre qu'il n'en sortira pas avant demain matin. Et là, j'irai cueillir Adriano chez lui. Et il fera ce que je voudrais. Demain matin? Demain matin. Bon, maintenant Albino va rentrer. Oui. Alors tu vas nous laisser seuls 10 minutes, pas plus. Hein. Ben pourquoi? Tu reviendras à ce moment-là sans faute. Hein. Oui, d'accord, mais pourquoi? Ben pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu ne rentres pas, il va vouloir passer dans la chambre avant le dîner. Et moi, c'est après que je veux le coincer. Oui, et alors? Et pour qu'il aille pas retrouver Adriano! Ah, si, si! Oh, tiens, voilà qui arrive. 10 minutes, hein, pas plus. La pite. Si c'était pas moi qui rentrais, c'est comme ça que tu recevrais le visiteur? Le visiteur? Quel visiteur? Quel visiteur? Ben oui, quel visiteur? Tu vois souvent des visiteurs ici à 7h30? Et tu connais beaucoup de visiteurs qui entrent chez les gens avec la clé de leur appartement. C'est pas une tenue pour recevoir les gens. Mais je ne reçois personne. C'est toi qui entres. Voilà, tu sors, Isabella, mais je reviens. J'en ai pour 10 minutes, oh. Pas plus. Tu sors? Oui, 10 minutes, ma chérie, pas plus. 10 minutes, pas plus. Prenez votre temps. Pourquoi es-tu en robe de chambre? Ça te gêne aussi? Mais je m'habille. Comment veux-tu que je sois? Tu t'habilles pourquoi? Pour sortir, parbleu. Quand? Ce soir, puisque toi, tu sors de ton côté. Où vas-tu? Pas au Vieil Empire, rassure-toi. Et avec qui? Pas Adriano, tu dois le savoir, puisque tu seras avec lui. Alors avec qui? Enfin, j'ai bien le droit d'aller au cinéma toute seule, non? Puisque toi, tu préfères retrouver Adriano. Pourquoi faire au cinéma? Oh, et puis quoi encore? On est en Afrique, ici, t'es devenu sultan. Hein, j'ai plus le droit d'aller au cinéma sans ta permission spéciale. Et sans celle d'Adriano, peut-être. Hein. Il va falloir que tu lui rendes des comptes, que tu lui expliques que je vais au cinéma, c'est ça? Ah, basta, laisse-moi tranquille avec Adriano. Eh bien, toi aussi, laisse-moi tranquille avec lui. Tu crois que j'ai pas remarqué depuis 6 jours que tu es entre ses mains? Moi? Qui te fait faire tout ce qu'il veut, bah dis le contraire. Non, mais dis le contraire, tu en arrives même à prendre l'air offusqué parce que j'enfile mes bas devant toi. Ah, ça te va bien, ça, tiens. Mon pauvre Albino. Depuis 6 jours, tu te retiens de parler. Tu vis comme un homme qui a reçu une consigne. Tu mets un point d'honneur à coucher là, tout seul, sur ce canapé. Yeah. Ah, tu me fais pitié, tu as puis aussi un petit peu de peine. Je me passe de ta pitié, figure-toi. Pendant ces 6 jours, j'ai accepté ton silence et tes bouderies. Parce que je voulais que tu comprennes tout seul qu'une petite lueur se fasse dans ton cerveau qui remettrait les choses en place. Mais tu n'as toujours pas compris, hein. Alors maintenant, c'est moi qui vais parler. Je savais bien qu'Adriano ne le ferait jamais. Il avait bien trop peur. Peur de quoi? Que tu soupçonnes la vérité. Cesse tes énigmes, si tu veux bien. Qu'est-ce que je pouvais soupçonner? Est-ce qu'Adriano t'a parlé de l'annulation de son mariage? Quel mariage? Comment? Il est marié? Comment tu... Tu ne savais même pas qu'il était marié? Mais de quoi vous parlez alors tous les deux depuis 6 jours? Mais c'est pas vrai. Mais comment il t'avait même caché ça? C'est pas possible. De quoi qu'il est marié? Oh ben ça j'en sais quelque chose, fais-moi confiance. Hein? Mais alors? Vos fiançailles ne voulaient rien dire? On n'est pas fiancé à un homme marié? Il était ton amant? Il m'a menti, il était ton amant. Justement, hein? C'est là que je vais en venir. Il a été ton amant? Viens, viens, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Mon amant, lui, il a été marié 3 mois, ou plutôt au bout de 3 mois, sa femme et lui se sont séparés. Et pour m'épouser, il voulait demander l'annulation de son mariage. Et il pouvait obtenir cette annulation. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour une des raisons principales qui permettent de l'obtenir. Enfin, si la femme est d'accord, il y a encore ça. Alors, quelle raison? Mariage blanc. Mariage blanc? Ben oui, sans ça, pourquoi sa femme l'aurait-elle quitté au bout de 3 mois? Mais pourquoi un mariage blanc? Ben oui, pourquoi? Réfléchis. Hein, pourquoi? Pourquoi n'as-tu jamais été mon amant? Car n'oublie pas, je l'ai connu plus d'un an avant toi. Pour la même raison. Ça arrive souvent dans les grandes familles. Il est impuissant? Tu veux dire... Adriano, il est... Le pauvre vieux. Alors j'espère maintenant que tu comprends tout. Hein? D'abord pourquoi j'ai rompu nos fiançailles quand j'ai su la vérité. Et puis surtout, pourquoi je ne t'ai jamais parlé de lui. Ni même comme un collégien. Je savais qu'avec lui, je ne risquais absolument rien. Aucun danger d'aucune sorte. Je te répète, un collégien. Qu'est-ce que ça pouvait te faire à toi hein, qu'un homme comme lui soit à mes genoux hein? Et si je ne lui ai jamais parlé de mon mariage, c'est que je savais quel drame affreux ce serait pour lui. Hein? Pour moi, ça ne changeait rien, mais pour lui. Savoir que j'allais appartenir à un homme. Hein? Un vrai. Tu t'imagines? L'humiliation. La souffrance que ça représentait. Hein? Le pauvre vieux. Savoir qu'un autre allait faire avec moi ce que toi. Hein? Et que lui... Et les hommes comme lui sont des passionnés. Tu sais, comme ils sont incapables de prendre une femme. Leurs sentiments sont d'une violence extraordinaire. Il est jaloux comme un tigre. Le pauvre vieux. Mais d'ailleurs, tu n'as qu'à voir sa réaction. Ça, il t'a manœuvré tout de suite dans le sens où il voulait. Et toi, bien sûr, bon, tu ne savais pas. T'as plongé. Comment ça, j'ai plongé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'il voulait. Chambre à part. Il voulait pas que tu couches avec moi. Ça le rend fou, pensez à ça. Oh la vache! Ah, je le connais, tu sais, je le connais. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? On ne peut pas l'en vouloir, mets-toi à sa place. Ah ben oui, bien sûr, pauvre vieux. Alors tu sais, moi qui connaissais la vérité, je commençais quand même à trouver que la plaisanterie durait un peu longtemps. Ah ben oui, là maintenant, je suis d'accord avec toi. Ah oui, alors que vous... Non, mais que vous voyez tous les jours... Parfait. Alors ça, je trouve ça même très bien, dans le fond. Hein. Que vous soyez devenus deux grands amis, c'est parfait, tout ça. Mais qui t'oblige à coucher tout seul, là, sur un canapé, sous prétexte qu'il est impuissant. Alors là, tu vois, là, je trouve qu'il allait quand même un peu loin. Ah, oh, sacré Adriano. Ils ont des trucs, ces gars-là, dis donc. Et toi? Moi? Tu ne commençais pas à trouver les nuits un peu longues? Ah, Isabelle. Oh, j'ai bien fait de tout te dire, non? Toi aussi, tu n'en pouvais plus. Oh, hein? Je suis une femme, moi. Oh oui, tu es une femme, et ce soir... Ah non, non, ce soir, non. Quoi, mais tu es folle? Ah, mais enfin, tu as rendez-vous avec lui. Moi, je vais au cinéma. Ta, tu n'iras pas au cinéma, tu te coucheras. Pour t'attendre? Jamais. Si je me couche, c'est avec toi. Sans ça, pas question. Je m'ennuie toute seule dans un lit, moi. Bah, écoute, tu n'auras qu'à lui dire hein, que tu le verras demain. Demain matin? Ben oui, après ton cours. Tu crois que je peux l'appeler ce soir? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à toi de... C'est à toi de voir, de réfléchir ce soir. Qu'est-ce que tu préfères? Lui ou moi? Attends un peu, laisse-moi. Je vais arranger ça. J'ai pas été longue, hein? 10 minutes. Adriano! Albino! Salute! Bien, bien, mais j'ai un petit pépin, je pourrais pas te rejoindre à 9h. Non, non, un collègue qui m'a remis son paquet de composition à corriger à sa place. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa belle-mère. Et pour demain matin, 8h. Mais si tu veux, on pourra se voir à 11h30 au café. Hein? Bien. Très bien. D'accord. Eh oui, que veux-tu, ce sont les petits imprévus du métier, hein? Ciao, Adriano. Ciao. Le pauvre vieux. Quand je pense... Ah, vous, vous pouvez dire que vous avez épousé une femme, une vraie... Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore, celle-là? Oh, il se pèle! Réception est à 10h, tout va bien? Comment, mais Monsieur le Comte va chercher son Excellence, l'ambassadeur d'Angleterre. Eh bien, à 9h30. Oui, Carlo est en bas avec la voiture. Oh, bon, très bien, je descends dans 5 minutes. J'ai quelques documents à signer. Ah ben, réponds, veux-tu? Allô, oui? De madame? Qu'est-ce que c'est? Ne quittez pas, madame. Je vais voir si Monsieur le Comte est encore là. Qu'est-ce que c'est? Madame Fogliano. Madame Fogliano. Tu. Oui, enfin, je vais quand même... Merci. Allô? Allô, Isabelle? Eh bien oui, c'est moi, oui. Mais oui, je t'entends. Oui, j'allais sortir, j'ai une réception à 10h, mais avant je dois aller chercher l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Oui, d'Angleterre. Oui, mais oui, c'est pareil. Mais quelle drôle de voix tu as. Tu as de la fièvre? Quel drame. Il est arrivé un drame? Il peut en arriver un? Qu'est-ce que... Mais dis-moi, mais où es-tu en ce moment? Dans le petit café en bas de chez moi? Tu veux monter? Ah non, Isabella, ce n'est pas possible. Ça, tu ne peux... Non, Isabella, je t'assure... Je ne... Bon, ben alors, je t'attends, monte tout de suite. Elle m'aime. Je sais pas ce qui se passe, mais à sa voix un peu rauque, j'ai compris qu'elle m'aime et qu'elle est à bout. J'ai gagné. Albino ne l'approchera jamais plus. Et c'est moi qu'elle aime. Ah, la diplomatie. La diplomatie, c'est surtout avec les femmes que ce mot-là veut dire quelque chose. Mais attention, continuons à être diplomates. De toute façon, j'ai gagné. Tu as gagné, Adriano. Que t'es beau. Alors là, tu en jettes un brin. Tu m'impressionnes, t'as l'air d'un portrait. Oui, bon, alors, ben oui, j'ai une réception à 10h. Oui, tu me l'as dit. Bon, alors, que se passe-t-il? Tu me le demandes? Évidemment, je te le demande. Enfin, mon petit, je fais attendre l'ambassadeur d'Angleterre. L'ambassadeur d'Angleterre. C'est donc que tu avais un petit peu envie de me voir. Tu m'as dit que c'était urgent, tu ne pouvais pas attendre. C'est exact, cette valise t'explique pourquoi. Cette valise? La dernière chose que tu m'aies dite, Adriano, c'est de faire un jour un geste qui te prouverait ma sincérité. Ce geste, je le fais. Adriano, je pars. Je pars avec toi où tu voudras. Moi, tu vois, je suis déjà partie. Tu es partie de chez toi? Oui. Mais tu es folle? Pourquoi? Mais parce que tu es folle et albino. Enfin, c'est albino que tu aimes ou moi? Oui, c'est entendu, mais... Mais quoi? Mais je peux pas partir comme ça, moi, de but en blanc. Tu le vois, j'ai mon service au Vatican. Enfin. Quand je dis partir, je veux dire que je suis partie de chez moi et que je suis à toi. Enfin, nous pouvons rester à Rome, si tu préfères. Ah non, Isabella, non. Pourquoi? Albino et moi, nous sommes devenus deux vrais amis. Et ce qui aurait été possible autrefois... Hypocrite. Quoi? Tu te moques bien d'Albino. Pas du tout. Ne me prends pas pour une dinde. Tu m'as demandé un geste, oui ou non, ce geste. Je le fais. Non, Isabella, ce n'est pas possible. Tu le refuses. Je ne peux pas l'accepter. Ce geste, c'est toi qui ne le feras jamais. Adriano, et qu'il n'aurait jamais fait. Tu es de ceux qui rêvent d'annuler, mais qui n'annulent pas. De ceux qui rêvent de partir, mais qui ne partent jamais. Ouvre ma valise, Adriano. Mais pourquoi ? Ouvre-la. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, elle est vide ? Ça veut dire que je connaissais ta réponse, et que cette valise n'avait pas besoin d'être pleine. Alors maintenant, cessons notre petit jeu de cache-cache, tu veux ? Je t'aime, et tu m'aimes, et nous avons assez perdu de temps comme cela. Ne parlons pas de partir, ni de faire notre vie ensemble, je ne suis pas faite pour être comtesse, je le sais aussi bien que toi. Est-ce que tu ne sais pas, Adriano, tu n'as pas l'air de savoir, c'est que je suis une femme, une vraie, et que je n'ai plus qu'un désir, c'est de te le faire découvrir, et de me sentir dans tes bras. Pour la première fois, tout me paraît clair entre nous. Je suis dans le décor sérieux de ta bibliothèque, et pourtant, pour la première fois, je me sens chez moi, et tout à fait à l'aise. Pour la première fois, je me sens nue devant toi. Oh, je t'en prie, Isabella. C'est vrai, tout ce qui nous séparait a brusquement disparu. Il me semble que je viens de passer la nuit avec toi, que tu m'as rendue très heureuse, et que je circule toute nue dans ton appartement, en t'embrassant de temps en temps. Embrasse-moi toi aussi. Non, écoute, franchement, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi? Parce que je suis nue et que tu es camérier du pape? D'abord, tu n'es pas nue. Mais si, je te dis complètement nue. Ça te gêne? En fait, t'es pas en cardinal, quand même. Ah bah oui, je comprends. Oui, c'est ta fraise qui t'empêche de m'embrasser. Ça, je dois dire que c'est aussi incommode que possible. Déjà que t'es grand, avec ta fraise, tu deviens inabordable. Mais que veux-tu? Moi, je ne peux pas aller tout nu au Vatican. Alors, n'y va pas. Quoi? Restons là. Pour la première fois, nous sommes chez toi. Pas dans un café. Nous sommes chez nous, tous les deux seuls. Ferme les rideaux. Adriano, restons là. Mais tu plaisantes, Isabelle. Mais non, pas. Mais alors, tu es folle. Tu n'as pas envie de moi? Et pas devant mon grand-père, en fait. Et avec toutes mes décorations. Ah bon, tes décorations t'empêchent d'avoir envie de moi? Écoute, il est 10h moins le quart. Pourquoi tu ne peux pas avoir envie de moi à 10h du matin? Non, mais ce n'est pas ce que je dis, mais le corps diplomatique m'attend. Ce qui est important, c'est de savoir si tu as envie de moi ou non. Non, écoute, Isabelle, là. Tu vois? Quoi? Attends, viens. Assieds-toi là, je voudrais te dire quelque chose. Viens. Bon, là, tu vois, là, bon, là. Je m'assieds. Je cède à tous tes caprices. Maintenant que tu es à mon niveau, regarde-moi. Oh, Isabelle, la chair est faible, tu sais. Oh, tu me plais, tu as un goût de fraise. Ah, non, Isabelle, non! Tu me refuses! Je suis nue devant toi et tu me refuses. Ne me dis plus que tu es nue d'abord. Ça te trouble, hein? Oui, enfin non, enfin je trouve ça puéril. Ah, tu as dit oui. Je suis nue devant toi et tu as envie de moi. Non, je ne veux pas. Avoir envie de moi? Si tu veux. Mais si, je veux. Non, ce n'est pas ce que je dis, je ne peux pas, maintenant. Mais pourquoi? Eh bien, tu le vois, ma fraise, mon costume. Eh bien, enlève-le, ton costume. Je ne peux pas, il est d'une seule pièce. Ne plaisantons plus, Isabelle. Tu crois que je plaisante? Alors, raison de plus. Donc, c'est non. Quoi? Tu ne veux pas. Non. Alors, sais-tu ce que je commence à me demander, Adriano? L'idée m'en était venue souvent, mais maintenant, je crois que je vais en être sûre. Sûre de quoi? Que si ton mariage a été un mariage blanc, c'est à cause de toi. Quoi? Tu pensais que je ne... Prouve-moi le contraire. Tu le penses vraiment? Mais c'est faux. Ça n'a été vrai qu'avec Paola. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que nous étions cousins, hein, oui, et que nous jouions ensemble quand nous étions petits-enfants. Non, déjà, j'ai jamais pu être son amant, c'est vrai. Mais je te jure que... j'ai eu d'autres femmes dans ma vie, hein, et qu'avec celle-là... Ah bon, ce qui veut dire que depuis 2 ans, moi je suis celle à qui on tient la main dans un café, mais qu'il y en a d'autres avec qui un bzzz. Écoute-moi bien, Adriano. Cet après-midi, je serai ici à 5h. À cette heure-là, tu as enlevé ta quimpette. Cet après-midi, tu n'es pas mon amant, Adriano. Je saurai que tu es impuissant. Et je le dirai à Albino. Mais c'est faux! Je lui dirai quand même. Et si toi, tu lui assurais le contraire, c'est quand même moi qui le croirais. Car le contraire, c'est pas à lui que tu pourrais le prouver. Ah, rendez-vous avec monsieur le comte. Un homme charmant, monsieur le comte, n'est-ce pas? Un vrai gentilhomme. Il y a longtemps que vous le connaissez? Oh, je le disais justement l'autre jour à la dame. Enfin, je veux dire à une dame qui me posait la question. Ah, il vient souvent ici avec des dames. Ah non, non, non. Enfin, je veux dire, quelquefois. Mais voyez-vous, monsieur, je ne suis pas très, très physionomiste. Non, non. Et puis, ma vue baisse beaucoup depuis quelque temps. Alors, les dames, je ne sais jamais si c'est la même ou si elles sont plusieurs. C'est vrai, les visages, c'est drôle, n'est-ce pas? Les visages, je ne les retiens pas. Je ne les retiens pas du tout. Ceux des dames, je veux dire. Et puis, de nos jours, les dames se ressemblent beaucoup. La même coiffure, souvent. Il y a longtemps que vous êtes ici, Isidore. Ça a été ma deuxième place, monsieur. Ça fait 51 ans cette année. 51 ans? Vous avez dû en voir alors des dames. C'est ce que je disais à monsieur, j'en ai tant vu, surtout l'après-midi. Pourquoi l'après-midi? Eh bien monsieur, parce que le matin, les femmes sont occupées par leur ménage, le soir, elles sont avec leur mari, alors c'est surtout l'après-midi que je les vois ici. Vous voulez dire que l'après-midi, les femmes mariées ne viennent pas ici avec leur mari? Mais évidemment, monsieur. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Qu'est-ce que je servirai à monsieur avec ça? Ben, avec ça, je prendrai un verre de Lacryma Christi. Parfait, monsieur. Je n'avais pas pensé à l'après-midi, moi. Il faudrait l'occuper l'après-midi. Et l'occuper sans risque. Mais avec qui? Oh, pauvre vieux. Salute Alpino! Salute Adriano! Comment vas-tu? Eh ben, j'ai chaud. Tu sais, je sors de cette réception au Vatican dont je t'avais parlé. Ouh là là! Ouh, cet uniforme d'une seule pièce, avec la fraise, l'épée. Oh, on crève là-dedans. Ça doit pas être bien pratique, hein? Pratique? Oui, enfin, on doit pas être à l'aise là-dedans. Pas spécialement, non. Puis il a fallu que je rentre vite me changer, je ne vais pas te faire attendre. Non, non, j'arrivais juste, j'ai commandé un verre de Lacryma Christi. Parfait, j'en ai apporté deux. Ah, merci, Isidore. Oh là là. Merci. Alors, ces compositions. Quelle composition? Eh bien, tes copies d'hier soir. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'étais désolé, tu sais. Oh non, c'est surtout ennuyeux pour toi. Ça peut être très drôle de rentrer chez soi, de se mettre à corriger des copies. Eh, c'est mon métier. Eh hein. Oui. Pauvre vieux. Alors, tu t'es couché tard? Tard. Mais c'est long de corriger une composition. Ça dépend des cas, souvent jusque vers minuit. Oh, pauvre vieux. Quelquefois, on s'ennuie pas, remarque, il y a des élèves qui ont des idées amusantes. Ah oui, mais enfin, de toute façon, pendant ce temps-là, tu ne dors pas. Et le lendemain matin, tu es fatigué. Pourquoi j'ai l'air? Fatigué, toi? Non, tu as l'air d'aller très bien. Ah bon, parce que c'est vrai. Tu vas très bien? Oui. Bravo. Et ben, moi aussi. Ah, dis-moi, alors, c'est pas tout ça. Quelle nouvelle? Isabelle. Statu quo. Bravo. Toujours le mépris? Total. Là, tu vois. Elle n'ose plus m'adresser la parole, elle s'enferme dans le silence. Bravo! Eh ben moi, figure-toi qu'elle m'a téléphoné. Non. Ce matin même. Tu lui as répondu? Oh, ben non. Oh. J'ai pris l'appareil et quand j'ai reconnu sa voix, j'ai seulement dit « Je ne suis pas là ». Crac! J'ai raccroché. C'est sec. Tu es dur avec les femmes. C'est comme ça qu'on les tient. Et toi, tu veux toujours chambre à part? Ah, tu penses? Ah, tu vois, elle n'ose plus te parler, hein, elle a senti son maître. Je crois, oui. Je crois. Tu as aussi cette impression? De plus en plus. Tu sais... Hein? Non, non, je t'en prie. Non, non, mais dis-toi. Non, je pensais à la façon dont tu lui as répondu au téléphone. Mm. Je crois que dès maintenant, en fait, nous avons gagné la partie. Mais il me semble. Elle est clouée. Mm. Ça, il n'y a pas à dire, elle est clouée. Elle est clouée. Hier soir, elle a touché les épaules, en somme. Ah, il me semble. Alors, je me demande si nous ne devrions pas montrer une certaine magnanimité. C'est-à-dire? Ne pas abuser de notre force, de notre victoire. Nous risquerions de l'amener peut-être, on ne sait pas, à quelques gestes qui renverseraient la situation et où nous perdrions tout à coup la face et notre avantage. Oui, je comprends. Une femme, c'est une femme, tu comprends. Mais, si on lui refuse certaines satisfactions, elle peut devenir folle. Mais, ah. Et alors, toi, tu serais d'avis de reprendre... La conversation, ah, oui, seulement oui, la conversation. La conversation. Moi, de mon côté, je la punis. Je continue à la punir. Je ferai chambre à part peut-être encore 6 mois, 2 ans, je sais pas. Il manque pas d'autres femmes pour moi, si je veux. Ben oui. Mais pour supporter ça, il faut qu'elle ait autre chose qui l'occupe. Hey. Le sentiment, par exemple. Pour les femmes, ça compte beaucoup. Elles peuvent vivre avec le sentiment. La palpitation de l'âme. Palpitation, c'est moi qui avais employé cette image. Ah oui. Oui, enfin, ça fait rien. Bon, alors, d'autre part, je sais ce que tu m'as dit le premier jour, qu'il y a justement entre vous une sorte de sentiment. Il y avait. Oui, mais en conservant cette attitude intransigeante, au fond, tu te prives d'un grand plaisir, tu te fais violence. Ah, il est certain. Et de son côté, tu représentes pour elle une sorte d'amusement. D'amusement? De distraction, plutôt. Ah non, je ne sais pas si le terme est encore très juste. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non! Si tu veux appeler les choses par leur nom, ce qui existe entre elle et moi représente tout à fait autre chose qu'une distraction. Et encore moins un amusement. Je ne te l'ai jamais caché. C'est un amour. Oui, oui, si tu veux. On peut aussi appeler ça l'amour. Ah non, on ne peut pas, on ne peut pas. Il faut. Il faut, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien justement, cet amour représente ce sentiment dont je te parlais qui pourrait être en quelque sorte une compensation. C'est peut-être aussi jouer avec le feu, ça. Quel feu? Eh ben, le feu de l'amour, parbleu. Oui, mais avec toi, je suis tranquille. Hein? Enfin, je veux dire que je sais que ce qui compte, c'est le sentiment, la force du sentiment. Et maintenant que nous sommes deux amis, je sais aussi que tu es un homme d'honneur et de scrupules et que jamais, jamais, tu ne toucheras Isabelle. Tu vois, je ne pose même pas ça comme une condition. Je te fais confiance. Avec une nature comme la tienne, je sais que tu le voudrais, tu ne pourrais pas. Aucun danger. Tu sais que tu me flattes beaucoup. Elle. Même si je soupçonnais que tu en sois capable, tu vois, eh bien je prends le risque. Les yeux fermés. Mais je te le dis, je suis tranquille. Alors en somme, c'est toi qui me demande de la revoir. Enfin, tu estimes que sans déchoir, nous pourrions reprendre... La conversation, seulement la conversation. Étant bien entendu que toi, de ton côté, tu garderais un certain point de vue. Ça, c'est réglé une fois pour toutes. De ce point de vue-là, je ne transige pas. Ça. Et moi, je pourrais la revoir. Eh oui. Je pourrais la revoir cet après-midi, par exemple. Mais quand tu veux. L'après-midi, moi, je suis en classe tous les jours jusqu'à 7h. Plus tu la vois, mieux ça vaut. Tu l'occupes. Toi, tu as du temps libre, hein, parce que mon point de vue est celui-ci, le jour où, par dépit ou désœuvrement, elle s'intéresserait à notre homme, hein, celui qui serait quand même cocu, ce serait moi, hein, pas toi, le mari, c'est moi. Faut penser à tout, tu comprends? Avec toi, je suis paré. Pas de danger. Aucun. Je suis sûr de toi. Je crois que tu as raison, Albino, il faut rétablir le dialogue, il faut le rétablir aujourd'hui même. Mais tu ne seras pas jaloux? Mais pas du tout. Non, je veux dire, cet amour... Tu admets qu'il existe entre elle et moi. Ah, mais parbleu, le sentiment, ça ne se commande pas. Je sais que pour toi, c'est ce qui compte le plus. Tu es un passionné, un sentimental. Et les femmes adorent ça, hein. Du moment que, pour le reste, je peux compter sur toi. Et si un jour je te trahis? Je te le dis, Adriano, je prends le risque. Eh bien alors ça va. Je n'ai plus de scrupules. Tu reprends la conversation? Nous la reprenons. Vite, allez vite. Ma fille, mon Isabelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Isabelle est empoisonnée. Ah, empoisonnée Isabelle. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as avalé? Du lait, vite du lait. Ah non, le lait m'empoisonne. Mais tu es déjà empoisonnée. Oh, je meurs. Je meurs, mais avant, je voulais que vous me demandiez pardon, tous les deux, ensemble. Pardon, Isabella, pardon. Vous m'avez fait beaucoup de mal. Pardon, Isabella, pardon. Comédia, alors, toi, tais-toi, c'est pas le moment. Comment, mais... Ah, vous avez eu peur, hein. Mais comment, mais tu ne t'es pas empoisonné? Vous vous rendez compte dans quel état vous seriez si je l'avais fait? Mais alors, pourquoi... Pourquoi cette nouvelle comédie? Parce que je voulais vous avoir tous les deux à mes côtés et que vous vous rendiez compte tous les deux de votre amour pour moi. Et aussi parce que j'en ai assez de vos mensonges. Vous êtes deux menteurs. Nous, menteurs, c'est toi, il me semble. Albino, est-ce que tu as dit à Adriano qu'hier, nous avions recommencé à nous parler et que nous étions parlé jusqu'à minuit? Comment hier soir? Et tes compositions, alors? Et toi, Adriano, est-ce que tu as dit à Albino que ce matin, j'étais venue te voir chez toi? Quoi? Mais tu m'avais dit que tu avais raccroché le téléphone sans lui parler. Mais c'est une honte, c'est honteux. Moi qui avais confiance en toi. Moi aussi, j'avais confiance. Le premier jour, d'ailleurs, tu m'as menti. Et toi, aujourd'hui, tu m'as trahi d'une façon abominable. Et bien maintenant? Et bien maintenant? Quoi? Vous voyez bien que vous êtes deux menteurs. À qui la faute? Ah, non. Vous n'avez pas recommencé, vous m'avez fait assez de mal. Maintenant, entre nous trois, je veux la vérité. et je veux pouvoir tout dire. Et dire quoi? Eh bien, par exemple, que la vie commence pour nous trois aujourd'hui même, cet après-midi. Eh bien, mais dis-le, je suis d'accord. Oh, Albino, tu es d'accord que la vie commence pour nous trois, cet après-midi? Oui, je ne sais pas tellement pourquoi tu tiens cet après-midi, mais je suis d'accord. Oh. Et tu es heureux? Très. Et toi, Adriano, tu es d'accord que la vie commence pour nous trois, cet après-midi? Ah, oh, oui. Et tu es heureux? Jamais je ne l'ai été davantage. Oh, si vous saviez ce que c'est bon de dire une fois la vérité vraie et que tout le monde soit content. Comédia, comédia, comédia, comédia. De Monsieur André Roussin de l'Académie française. D'après la pièce de Diego Fabri, La Bougarde. Nous devons nos décors à Roger Hart, nos costumes à Donald Carwell. Et la musique à Michel Franz. Cette coquine était joyeusement interprétée par Jean-Pierre André. Henri Courceau. Gisèle Touré, Jean-Pierre Barlier, Max Desraux, Christiane Muller. Marion Gamme. Dans une mise en scène de Bernard Desrampes.